c'est le Before Party Fun. Des versions exclusives de vos tubes préférés. Un petit Beyoncé pour terminer ce Before. Pas mal. Adrien, tu reviendras à minuit pour Party Fun. Rendez-vous, ouais, tout à l'heure sur Fun Radio, minuit, une heure, comme tous les soirs, juste après le Night Show et juste après Love in Fun. Avec le Doc et Karel. Salut les copains. Bonsoir. Bonsoir à tous. Salut. Bonsoir. Oui, vas-y. Alors, ouais. T'as quelque chose à dire là? Parce dire. Que souvent, ce soir, t'as rien à dire. Bon. Si, si. Tu si, ne si, dis si, rien. Si, non, mais c'est ça, tu vois. On aimerait bien parler un peu avec toi, mais je sais pas. Karel, Alice, tout le monde. Ouais. Faites attention parce que je sais que le Doc aime bien. Choper des femmes demain non, à 18h dans l'émission. Hyper fidèle, je suis hyper fidèle. Je vais me marier l'année prochaine. Mais qu'est-ce qu'il dit comme conneries? En attendant le mariage, il dit que des conneries. Hein. Demain à 18h, je reçois Zara Larsson. Donc oh, écartez le Doc. Non, mais alors, moi, tu risques rien. En revanche, Karel, je suis pas sûr. Alors, Kassim, tu l'enfermes, tu l'attaches parce que. Allez, il va bien s'occuper de Zara Larsson demain à 18h, je te le dis. Bon, oui. Oui, comptez sur nous. Eh ben écoutez, bonne émission et puis rendez-vous demain 18h pour Zara Larsson et 19h le Before Party Fun. Ouais. Salut les copains, ciao. Salut. Ciao. Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h 22h avec Doc, Karel et Alice. Et bonsoir à tous, en très grande forme ce soir pour une nouvelle soirée Love in Fun, tous les soirs 20h, 22h. Eh bien, c'est votre émission, j'ai envie de dire. On est là pour vous chaque soir sur Fun Radio Love in Fun. Au standard 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler. Si vous voulez réagir à l'émission, allez-y sur le Snapchat de l'émission Love in Fun Radio, sur le Twitter, hashtag Love in Fun, la fanpage de l'émission, le Facebook. L'émission est intégralement filmée, hein, on le rappelle, hein, tous les soirs. Il suffit d'aller vous connecter sur le site de funradio.fr. Et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à, voilà, à vouloir mater l'émission en révisant, en faisant des conneries aussi sur le PC. Il y en a plein qui sont connectés. Merci en tout cas d'être avec nous tous les soirs. C'est toute une équipe. Je m'appelle Karel. Il y a un médecin qui est avec nous. Je suis là. Doc. Salut Doc. Qu'est-ce qu'il y a, Kassim, là? Croutman. Croutman. Un coup de boule celui-là. Il va pas finir l'émission. Hein. Non, c'est vrai. C'est depuis la fameuse histoire le dimanche qu'on a passé au paintball. Doc récupère. J'ai plus de coups du tout d'abord. Ah, si, Doc. Sans déconner. Bah oui, non, mais moi je suis un guerrier. J'ai pas peur d'avoir des coups. Vous étiez planqué. Le mec s'est fait allumer totalement. Hein. Je vous ai battu. On peut savoir ce que tu viens de faire, Godefroy, là, à la Réa, là. Qu'est-ce que tu nous as mis comme son? Quoi de neuf, docteur? Ah ouais, d'accord. On y est, quoi. Bugs Bunny, carrément. C'est Godefroy à l'arrière. On peut l'applaudir pour ce magnifique. Merci. Bravo, Godefroy. Je rappelle qu'il n'est pas rémunéré, hein, pour cette émission, donc c'est normal. Il peut faire n'importe quoi. Bien sûr, notre producteur est là, Kassim. Ouais, moi, je suis rémunéré grassement. Oui, pourtant, pour rien faire aussi. Ah, bah oui, complètement. Hein. La seule qui travaille vraiment dans cette émission, c'est Alice. Bah, bien sûr. Oh, ça va, Alice. Je sais que c'est pas vrai, mais ça me touche quand même vachement. Avec son chiffre, avec déjà. Arrêtez de faire les faux modestes, là. Un hashtag qui cartonne sur Twitter, qui a été lancé par Alice. C'est quoi ce hashtag, Alice? Bah écoute, aujourd'hui on a appris qu'à l'euro million on pouvait gagner 166 millions d'euros. Donc on en a parlé dans les bureaux, ouais. On était comme des dingues. On a tous joué et on s'est posé la question: qu'est-ce que vous feriez si c'était vous qui les gagniez? Donc on a lancé le hashtag si j'étais millionnaire. Il y a combien de joueurs? Qu'est-ce qu'on en sait? Ça 10 millions, 15 millions, donc il y a 15 millions de perdants. La probabilité de gagner, c'est à peu près la même que d'avoir un accident d'avion, quoi, tu vois. Donc, ou de se faire écraser devant le bureau de tabac, il paraît. Donc, ah ouais, vois, on a plus de chances de mourir devant le bureau de tabac que de gagner à l'euro million. En attendant, on a tous joué et vous pouvez réagir. Hashtag si j'étais millionnaire. Dites-nous ce que vous feriez. On en parlera tout à l'heure en prenant plein de réactions. On va tout de suite accueillir notre auditeur du soir. Il va passer toute la soirée avec nous. C'est Pierre, 13 ans de Nancy. Bonsoir, Pierre. Salut Doc, salut Karel, salut Alice, ça va? Salut Pierre. D'abord, ma première question, c'est: est-ce qu'on a été gentil avec toi au standard? Est-ce que Guillaume et Cindy ont été adorables? Il est adorable, Guillaume et Cindy aussi, ils sont magiques. Ils sont magiques, ça fait plaisir. Pierre, tu nous appelles simplement parce que t'es l'auditeur de la soirée. Hein, toi, tu vas faire de la radio avec nous, t'es motivé, Pierre? Bah ouais, un truc de ouf, parce que c'est... Hier, j'ai fait le défi sur les palmarès, je suis un peu chaud. Hein. T'es un peu chaud. T'as des passions dans la vie ou pas, toi? Bah ouais, je fais du karaté... J'aime bien dessiner, trucs comme ça. Tu fais du karaté? Tu fais quoi comme... Du karaté. Oui, non, mais je pense que c'est du karaté full contact. Ah, tu vois, c'est pas pareil. Tu vois, il ceinture. Fait du full contact. T'es ceinture quoi? Je suis ceinture bleue. Ouais, et j'y connais rien. C'est le tout début. Hein. Ah, ah oui, ça va. Oui, parce que je rappelle que Doc a fait du kung-fu. Ouais. Maître hein Doki. Hein, ah oui, maître Miyagi. Il manque 4 ceintures. Il manque 4 ceintures et je suis à la noire, je crois. Ah bah c'est bah, pas oui, mal. Bien sûr, ouais, non, bah, c'est bien. Tu progresses. Il y en a 4. Bah oui. Pierre, tu restes avec nous. Tu réagis à l'émission dès que t'en as envie et on va accueillir Noah tout de suite, notre premier auditeur là ce soir avec Noah de Montpellier. Bonsoir à toi, Noah. Salut, Noah. Salut, salut, salut, salut, Karel. Salut, Noah. Tu nous appelles pourquoi toi? Mais pour déclarer ma flamme à une fille. Oh putain. Oh, c'est mignon. Mais elle sait que t'es au courant, enfin que t'as des petits sentiments et tout. Non, vraiment, ça va être une grande, grande découverte pour elle. Ouais. Tu lui as déjà dit bonjour quand même? Oui. Elle voit qui tu es. Oui. D'accord. Elle est même pas dans le même collège que moi. Elle est dans le même collège, mais elle est pas en ta classe. Elle est même pas dans le même collège. Et est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui te plaît chez elle? Elle est belle, gentille, elle a de l'humour. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle a des gros seins? Je sais pas. Il est amoureux. J'ai jamais maté. C'est jamais ça que je voyais en premier. Et c'est bien sûr. C'est la première fois que tu tombes amoureux comme ça? Non, c'est pas la première. Ah bon? Et tu t'es déjà pris des râteaux? Non. Parce que ça, ça fait mal. Hein. C'est vrai, Doc. Hein. Bah oui, bien sûr. T'as toujours un petit peu peur. Hein. Tu ne grandis pas sans râteau. Elle s'appelle Caroline. Cette jeune fille, elle a 13 ans. Elle est dans ton collège. Et ce soir, tu vas Non, elle est pas dans mon collège. Comment? Elle n'est pas dans mon collège. Ah bah alors, faut savoir, j'avais compris qu'elle était dans ton collège. Donc en plus, elle est quelque part dans ta ville. Ouais, voilà, c'est ça. Hein, on va pas s'emmerder avec des détails comme ça. En fait, elle habite le palier d'en face. Ouais, c'est ça, c'est ta voisine. C'est ta voisine. C'est ta petite sœur. Allez, c'est parti, on l'appelle tout de suite. Noah, on appelle Caroline, qui va apprendre ce soir qu'elle est aimée. Allez, Noah, un courage. Hein. Respire, respire, respire, respire, respire. Allô? Allô? Allô? On raccroche, on a raccroché parce qu'en fait, elle a décroché et on l'entendait pas bien. Donc on va la rappeler, d'accord? Ok. Okay, sois bien attentif. Ouais, elle doit avoir le Samsung 7 ou le iPhone 7. Peut-être. Ouais. Allô? Allô? Allô, Caroline? Ouais. Caroline, on t'entend pas avec ton téléphone? Non mais Caroline, on t'entend pas là. Est-ce que tu peux régler ce problème? Caroline, c'est important, c'est une affaire d'État. Est-ce que j'appuie sur le bouton pour la bombe? Caroline! Raccroche, on te rappelle. Caroline, on raccroche et on te rappelle, d'accord? Ok. Allez, on réessaye une dernière fois. Donc là déjà, c'est un peu niqué la Noah, hein. Elle va pas comprendre. Ah non mais sors avec des gens qui ont des bons téléphones, merde Noah. On rappelle. Avec les nouveaux iPhones, ça va être comme ça tout le temps. Arrête. Arrête, on va en faire gagner bientôt, Doc. On arrête. On arrête, ah bon, on arrête. Okay. C'est super, l'iPhone. Et le Samsung, t'en penses quoi? Ils ont arrêté la production. Si on en fait gagner... Le 7, oui, ils ont arrêté la production. J'ai vu qu'il y en avait un qui avait explosé dans un avion. Plusieurs, même. Ouais, ouais. Tu vois les dégâts dans ta poche, t'as plus de couilles. Hein. Alors, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à joindre Caroline. Je sais pas ce qu'elle a comme téléphone. Guillaume, au standard, t'arrives à la voir ou pas, là? Bah, en fait, ça bouge pas. Je l'entends très bien. Enfin, très mal, pardon. D'accord. Voilà. Bon, alors Noah, vu qu'on va pas passer l'émission là-dessus, hein, ce qu'on va faire, on va se refaire d'ici 10 petites minutes, d'accord? Ok. Histoire de récupérer Caroline, tu respires, tu te détends, on le fait dans un instant. D'accord, mon Noah? Ouais. Okay. Allez, tout va bien se passer. Il doit avoir le cœur qui bat et tout, là. Il devait être dans un état pas possible. On sera avec Adam dans un instant, 18 ans, qui nous appelle d'Abré. Salut, Nathan. Salut. Adam. Salut. Tu nous appelles d'où? Je connais pas cette ville-là. C'est les Abrets, c'est dans l'Isère. Dans l'Isère, d'accord. Bah, seul bienvenue. Et Adam, tu nous appelles pourquoi? Alors, j'avais une question à poser au doc. Ah, bah vas-y, t'écoute là. Tu veux savoir quoi? Je voulais savoir pourquoi les femmes, elles avaient de la mouille alors que les mecs, ils en avaient pas. Eh bah, détrompe-toi. C'est totalement faux. Ouais, on en parlera dans un instant. Mais c'est pas la même. Mais oui, c'est différent. Mais je suis sûr qu'en plus, tu connais ça, Adam. Reste avec nous et on va écouter DJ Snake avec Justin Bieber. Let me love you dans 3 minutes. À tout de suite. Suivez-nous sur Facebook, la page Love Fun. Dès votre réveil, c'est Bruno dans la radio sur Fun Radio. Salut, c'est Bruno. Demain, je vous offre en exclu de Le France votre pack PlayStation VR. Ouais, la réalité virtuelle. Ah, c'est énorme. Et surtout, demain, on vous l'amène directement chez vous, la veille de la sortie. Vous pourrez profiter avant tout le monde de votre PlayStation 4 avec son casque de réalité virtuelle révolutionnaire. Et ben voilà, c'est gagné. Ça se gagne uniquement chez Bruno dans la radio. Sur Fun Radio.

tube mondial, la rencontre du DJ français DJ Snake et la superstar américaine Justin Bieber, canadien d'ailleurs, je dis n'importe quoi, c'était Let Me Love You. 01 42 48 5000. Love, love in fun. 20h, 22h, avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. On est bien, comme tous les soirs, là, sur Fun Radio. Love in Fun, 01 42 48 5000. On va retenter. On va retenter pour Noah, qui, je le rappelle, est de Montpellier. Il veut, voilà, déclarer sa flamme à une fille qui l'apprécie énormément. Et t'as envie que ce soit ta copine, hein, Noah, hein ? Oui. On a essayé de l'appeler tout à l'heure. On l'entendait très, très mal. Donc là, on va la rappeler. Et c'est à toi de jouer, d'accord, Noah ? Ok. C'est parti, mon pote. Ouais. Respire un coup là. Allô? Oui, allô Caroline? C'est oui. C'est qui? C'est Noah. Oui. En fait, c'est pour te dire un truc un peu difficile, voilà. C'est pour te dire que je t'aimais. Oui. Et t'en penses quoi? Je suis flattée, mais enfin, je veux dire, ça veut, tu veux qu'on, enfin, genre, après, on s'entend ensemble. Je crois que, enfin, en fait, je t'explique, c'est, disons que, enfin, c'est assez compliqué pour moi aussi, parce que, enfin, je suis jamais sortie vraiment avec quelqu'un et on se connaît vraiment à peine, quoi. Alors, déjà, on pourrait essayer de faire mieux que la dernière fois et essayer de se voir plus souvent déjà et de venir se rapprocher, quoi. Enfin, je veux dire, être vraiment amis, oui. Après, on verra. Mais on pourrait déjà essayer de faire mieux que la dernière fois. Ok. Ça te va? Ouais, bon, en fait, c'est celui que t'es sur la radio. C'était ta surprise, c'est que je dévoile mes sentiments à la radio. En fait, c'est ta surprise, Olivia a dit sûrement d'en parler. Voilà. Caroline ? Oui. Bonsoir Caroline. T'es en direct sur Fun Radio, dans la Vin Fun. Salut. Alors, mieux que la dernière fois, moi je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois. C'est pas sa première tentative, apparemment. Nina, Fun Radio. Mais... Maman, oui, en direct. Mais Fun Radio. Oui. Vous moquez pas d'elle. Mais qu'en fait, mes parents, ils me demandent sur quelle radio. D'accord. Alors, mettez pas trop fort, parce que sinon, ça va être la merde, ça va s'entendre et tout. Mais... Et Caroline, t'as entendu? Noah, voilà, alors Noah, il est cash, hein. Je t'aime, hein, direct. Hein, Je t'aimais. Déjà, c'est ambigu. Je t'aimais. Bon, on parle au présent, mon ami. Non mais Noah. Caroline, il est quand même vachement mignon, Noah. Comment ça? Mais attends, on n'a pas entendu. Tu es là ou tu es pas là? Oui, je suis là. Est-ce que tu es un peu amoureuse de lui? Disons que je l'ai vu deux fois dans ma vie. Ah ouais, mais bon, des fois il suffit de peu, hein. Est-ce que t'es déjà tombée amoureuse d'un garçon? Pas vraiment. C'est pas dans tes préoccupations maintenant. Non, pas vraiment. Noah, j'ai pris un coup de foudre. Noah, t'as pigé là? Ouais. Bon. Mais non, mais. Ah. Si, non. Noah, c'est pas ça. T'as aucune chance, Noah. J'ai l'impression. Non. Si. Oh, vous êtes chiant, elle veut juste apprendre à le connaître. Non, elle veut pas. Hein. Elle voudra jamais sortir avec toi, Noah. Avant de sortir avec un garçon, ouais. Pour moi, il faut que je le connaisse. Mais bien sûr. Oui. Et là, t'as raison de te défendre parce que les deux blaireaux, là, ils te font le coup, Cassim et Karel. Oui, il veut pas, Et donc, pour que tu dises. Bien sûr que si, je veux. Ah, bien sûr, non. Non, mais par contre, je dis pas ça pour ça. Mais vraiment, ça vaut le coup d'essayer, je pense. Il faut qu'on voit le centre d'intérêt. Caroline, t'es super speed, là, d'un coup, là. Hein? Bah ouais, tu lui as mis un putain de coup de pression. elle gère ses relations amoureuses comme une multinationale. C'est tellement mignon. Elle fait un conseil d'administration pour ça. Non, mais tu sens que les filles sont tellement mûres, en fait. Ah, bah, c'est vrai, elles sont matures, les filles. Caroline, t'as 13 ans, mais on dirait que t'en as 25. C'est incroyable. On aimerait que certaines filles de 25 ans soient comme toi. Pour être autrement. Autrement. Ça va faire plaisir à toutes les auditrices de 25 ans qui nous écoutent, Doc. Bravo. Et à moi aussi. Il y en a quelques-unes qui ont besoin. Non, mais certaines, j'entends bien. Pas toutes, certaines. Il va falloir apprendre à se connaître, Noah. C'est ça, c'est pas un refus. Au contraire, c'est j'ai envie de te découvrir. Eh ben, découvrez-vous. Peut-être, mais plus tard. Bah, tu l'invites au flunch, hein. Invite-la au flunch, toi. C'est une valeur sûre. Hein. Buffet illimité, je vais te dire, vous allez vous régaler, quoi. Hein? Fais des économies, quand même. Ouais, ouais. Elle va pas payer ça. Noah et Caroline, on vous fait des gros bisous. On reprendra des nouvelles de Noah dans l'émission. Oui. D'accord? Pour savoir un petit peu comment ça avance cette petite histoire. Caroline? Oui. Tu écoutes Love in Fun des fois? Comment ça? Bah, tu écoutes l'émission des fois, Fun Radio, tout ça? Des fois, oui. Eh ben voilà, eh ben je te félicite, on va t'envoyer un petit pack Fun Radio, pack Love in Fun, d'accord? D'accord. Tu raccroches pas, et c'est offert par Noah, hein, c'est son premier cadeau. D'accord. Salut. Au revoir. Gros bisous, salut. Noah, salut à tous les deux, c'est mignon. La solidarité des mecs. Bien sûr, Jérémy, 22 ans, un breton là qui nous rejoint, on est en Bretagne, à Lorient, salut Jérémy. Salut Jérémy. Salut. Salut. Bonjour. Salut à toi Jérémy, t'appelles pourquoi? J'ai perdu mes cheveux à cause d'un défrisage. D'accord, et on se fout ta gueule, c'est ça? Oui, mes amis, oui. D'accord. Et assez fréquemment, et je prends ça pour du harcèlement à l'heure d'aujourd'hui. Ah ouais, bah Doc, si on se fout beaucoup de sa gueule sur ses cheveux, je comprends. Hein. On va voir. Ça va, ils sont très dans bien dans un les instant cheveux. Après The Parachute. Save me. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. The Parakeet Save Me sur Fun Radio. Love You Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Love in Fun tous les soirs sur Fun Radio. Avec dans un instant Sound of Legend sur Fun Radio. Avec Blue. Wouhou! J'adore! Comment tu dis, Kassim? Blue Bedevidi Dada. C'est vrai que c'est excellent ce son, hein. Sound of Legend sur Fun Radio. Restez bien ici. D'ailleurs, je rappelle, hein, si vous voulez écouter un tube que vous aimez beaucoup sur Fun Radio, bah, n'hésitez pas à le demander là, au standard 01 42 48 5000. Twitter aussi avec le hashtag LoveInFun et la page Facebook de l'émission. D'ailleurs, c'est aussi le moyen pour réagir à l'émission et on lit vos messages à l'antenne avec Alice. On a reçu un message d'Anissa qui nous dit: pour la journée des filles, est-ce que t'as prévu une petite surprise romantique pour Katoche, Doc? Ah, tous les jours, j'en prends. Tous les jours. Ouais, tous les jours. C'est quand la journée des filles? C'est la journée de Katoche. Ah, c'est la journée des filles aujourd'hui. Et ouais. Ah bah on vient de te l'apprendre. Ouais. Et sinon on va Mais j'ai pas de soucis parce que chaque jour il y a une surprise alors. Ah ouais. Quoi comme surprise par exemple? Parce que t'es plutôt... Surprise, je suis tenue. T'as un beau parlant. Ouais, surprise, j'ai rien dans mon pantalon. Je suis passé la voir avant l'émission de radio. Wow. Oh. Et alors, donc en fait, la surprise, c'est toi, c'est ton corps. Qu'est-ce qui s'est passé? La ken. Rien. Non, mais la ken. Non, mais l'autre. Respecte-toi, Cassim, on ne dit pas ça. Doc copule. Doc fait l'amour ou copule? Absolument. Non, ni l'un ni l'autre. Voilà. Ouais, oui, juste l'avoir. Juste une petite pipe. Allez, hop, on enchaîne. Non, juste pour dire que je l'aime, c'est tout. Encore un message, encore un petit message. On va faire un petit point sur le hashtag si j'étais millionnaire, parce que vous me faites beaucoup rire avec vos réactions. Il y a Dylan qui dit. C'est foutu maintenant. Je me ferai une liposuccion au lieu de souffrir à faire du sport. Pour Brice, il partirait en vacances avec toute la famille Fun Radio. Pour Romain, il achèterait tous les McDo de France. Et Younus détruirait toutes les ballerines du monde. Ah ouais, d'accord, okay, la haine de la ballerine. C'est ça. Dites-nous, hein, n'hésitez pas, hashtag si j'étais millionnaire. Il y a 166 millions d'euros, c'est ça, à gagner ce soir à l'euro million. Exactement. Donc, on croise les doigts. On ne peut plus jouer, le résultat, c'est que, à quelle heure? Godefroy le sait, lui. 21h30. 21h30 dans les locaux de la FDJ. Et sinon, à la télé, c'est à 23h30. Eh, mais le professionnel, oh là là. Quoi. Dans les locaux de la FDJ ce soir. Mais on s'en fout, on n'est pas dans les locaux, c'est 23h alors. Tu joues à chaque fois? Non, mais quand il y a des sommes comme ça, ouais. Ah non, mais on se laisse tenter. Non, mais on se laisse tenter. Et surtout, c'est tellement génial de rêver, d'imaginer ce qu'on peut faire. Vous avez imaginé l'arnaque quand même? C'est-à-dire, Doc? On annonce des grosses sommes, comme ça, tu multiplies nombre de joueurs par 1 million, 2 millions. Bien sûr. Bah oui, t'as moins de chance. Ils ramènent encore plus de pognon. C'est vrai. Que ce que tu gagnes. Mais ouais, mais t'as le droit de rêver quand même. Et c'est ça qui est beau, c'est pour ça qu'il y a autant de joueurs. Est-ce que tu sais une seule chose? Ouais, quoi? Tous les gagnants au loto, au bout de 6 mois, vivent la même chose qu'avant. Ça n'aura rien apporté. Ah ouais, ouais. T'as fait une étude sur les gagnants du loto? Non, ça a été testé. Ah, mais tu dois... C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, d'abord, ils n'ont plus de pognon, en général. Ah, ils dépensent tout? Ils dépensent tout, et puis voilà, ils se retrouvent comme avant, pas plus heureux, pas moins heureux. Ah bah putain, il y a moyen de gérer quand même 166 millions d'euros. Hein. Mais, oui, d'accord, mais je te le dis. D'accord. Bah écoute, merci de nous casser notre rêve ce soir, Doc. Parce que le rêve, il n'est pas là, il est... dans le fait d'imaginer, de créer sa propre vie, de créer des choses dans sa vie. Elle n'est pas dans recevoir passivement. Les petits bonheurs du quotidien, Doc. Cultiver, ouais. Cultiver, bien sûr, son bonheur chaque jour. Adam est avec nous. Adam, lui, il a une question pour être heureux ce soir. Il a 18 ans. Et Adam, qu'est-ce que tu veux savoir, toi, mon pote? C'est pas pour être heureux. Hein. Dis-moi. Ouais. Non, la question, c'est juste pour savoir pourquoi les femmes, elles mouillent quand tu les excites. Et nous, on mouille pas, nous. Si, il y a une lubrification. En fait, c'est un rôle de lubrification. Il y a les glandes de Bartholin, il y a la paroi vaginale. Quoi, tu peux revenir là, sur le truc là, Alors, la mouillure est liée à l'excitation sexuelle. Il faut une excitation sexuelle. Oui. C'est une sécrétion qui va préparer le vagin à recevoir, en général, une verge ou autre chose. Oui. Pourquoi pas. Et qui va donc faciliter la pénétration. Il y a des glandes, qui s'appellent les glandes de Bartholin, mais il y a aussi le col de l'utérus qui peut sécréter. Il y a aussi les parois du vagin, ce qui va générer une mouillure plus ou moins abondante, et qui est absolument nécessaire quand effectivement on a un rapport sexuel. Et chez le garçon, il y a une moulure équivalente dans l'urètre. C'est à ce canal qui va de la vessie à l'extérieur. C'est beau. Et quand vous êtes excité, tous les garçons ont remarqué qu'il y avait un liquide translucide, c'est pas du sperme. Non. C'est une moulure qui va préparer le passage du sperme et des spermatozoïdes pour que, en gros, les spermatozoïdes ne s'abîment pas au passage, tu sais. Ouais, c'est ça, d'accord. Parce que tu sais, c'est quand même précieux. Il y en a des milliards, mais bon, non, des millions. Il n'y a qu'un gagnant à la fin. Il n'y a qu'un gagnant. C'est comme à l'euro million, en fait. Même pas. Un gagnant de temps en temps. Mais oui, Adam, t'avais jamais remarqué que t'avais une petite mouille perso, toi aussi? C'est ça. Faut bien faire attention, hein, Tu remarqueras quand t'es excité, quand tu bandes, et si évidemment, t'éjacules pas en 30 secondes. Ouais. Il faut que. Non, ça va, je suis pas tout mieux là. Alors, tu verras qu'il y a un liquide translucide qui sort de ta verge. Ouais. C'est ça, la mouillure. Ça te va? Alice, ouais, Alice, tu connaissais cette fameuse mouillure des hommes? Exactement, c'est pour ça que certaines personnes, on les surnomme la mouilleuse ou des choses comme ça. Ah, vous appelez... Non, mais, oui, mais en fait, il y a certains mecs en plus qui mouillent, entre guillemets, plus que d'autres. Donc je la connais. Dans ta grande expérience. Exactement. T'as tout ça. Bien sûr. Adam, eh bien écoute, tu repars avec une belle réponse. Oui, tu mouilles toi aussi, mon pote. D'accord, Adam? Je vous fais une dédicace. Vas-y. Alors, je fais une dédicace à Soline, qui doit m'écouter normalement avec tous mes potes de l'Isère. Et puis, voilà. Et je voulais savoir si je pourrais un pack de Vinpot. Tu raccroches pas, on va t'envoyer ça, d'accord? Ah, t'assure, merci beaucoup. Salut Adam, et vous restez bien avec nous. Dans un instant, il va y avoir l'appel à l'aide de Jérémy, ses cheveux tombent. Si vous êtes coiffeur, quand on perd ses cheveux, qu'est-ce qu'on peut faire comme coiffure? Ne perds jamais le coiffeur pour commencer. Mais surtout, il les a cramés ou je sais pas quoi, défrisage. Suite à un défrisage, il a des cheveux. N'hésitez pas à nous appeler, on a besoin de vos conseils capillaires, nos amis coiffeurs. 01 42 48 5000. Et puis, on va revenir sur ce hashtag. Si vous étiez millionnaire, qu'est-ce que vous feriez, Alice? Il y a beaucoup de réactions. Ouais, beaucoup de réactions, ouais. On le lance dans un instant et on en parle tous ensemble sur Fun Radio au 01 42 48 5000. Lui, il est millionnaire et il s'éclate dans la vie tous les jours. C'est David Guetta avec Would I Lie to You sur Fun Radio. Love in Fun tous les soirs, 20h, 22h. N'hésitez pas à nous appeler. On passe encore une bonne soirée avec vous sur Fun Radio. David Guetta, Would I Lie to You sur Fun Radio. On a besoin de vous. Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez. L'appel à l'aide de Love in Fun sur Fun Radio. L'appel à l'aide tous les soirs sur Fun Radio quand la situation ne devient plus possible. C'est impossible de trouver pour vous une solution. N'hésitez pas à nous appeler 01 42 48 5000. On cherche tous ensemble avec toutes les réactions des auditeurs. Essayez de vous trouver une solution. Ce soir, c'est Jérémy. Il a 22 ans, il est de Lorient. Il pratique le défrisage. Bonsoir Jérémy. Salut Jérémy. Bonsoir. Salut Jérémy, tu es défriseur, c'est bien ça. Hein. Tu défrises. Tu défrises, mais en fait, il est frisé au départ, je pense. Bah oui, c'est bien ça. Explique-nous ton problème, quel est ton petit souci, toi? Un après-midi avec un collègue, je décide d'aller à Carrefour, à Lorient, ouais. Et j'ai acheté un défrisage, et moi j'ai les cheveux bouclés à la base, je l'ai utilisé, et d'un coup, je suis devenu chauve 2-3 jours après. Quoi. Oh putain. T'as abîmé tes cheveux, la racine, mais tu chauves pas définitivement, ça doit repousser. Ça a bien dégarni quand même. Hein. Putain, mais, d'accord, mais pas définitivement, parce que voilà, tu as pas je bousillé. Sais pas, parce que plus les jours passent, et moi je me dis ça repousse quand, quoi. Est-ce que t'as des petites pousses toutes petites? Ça a bien. Non, mais j'ai presque bien compris. Chaud. Écoute, là, il faut voir un dermatologue parce qu'il y a un problème. Et tu peux pas devenir chauve avec un fer électrique ou je sais pas quoi. Bah, si les cheveux sont complètement non, défoncés, tu peux. Non, ils mais ont d'accord. peut-être abîmés, quoi. Ou soit c'est moi qui l'ai raté, je sais pas du tout. Mais ça va mettre du temps à repousser, quoi, mais ça va repousser. Mais il y a un follicule, il y a quelque chose qui produit le cheveu, il a pas bousillé. Mais pendant ce temps-là, au boulot, on se fout de ma gueule, quoi. Ah oui, mais c'est ça le problème. Alors, Il te reste plus que la moumoute, alors. Si... oh non, le postiche, tu sais, la vieille perruque pourrie, là, sans déconner, je crois qu'il faut mieux assumer, en fait. Pourquoi tu te rases pas le crâne? Bah, j'ai hésité, mais... Après, je me dis, je suis encore jeune. Non, mais ça va repousser, mon pote. Moi, je pense qu'il faut regarder parce que ce serait quand même étonnant qu'après cette séance, tu sois vraiment chauve. Ça peut arriver, une calvitie précoce, bien sûr. Il faut voir un dermato pour qu'il examine ton cuir chevelu, voir s'il n'y a pas de problème. J'ai pris rendez-vous chez le dermato. C'est sûr, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Jérémy, ça tombe pile poil au bon moment, fous ta cagoule et fais pas chier. Tu vois, Jérémy, merde. Commence pas à me clasher, vous aussi, parce que je vais débarquer sur le plateau. Ouais, mais vas-y, viens Lyonnais. Viens lui donner un coup de boule avec ton front dégarni. Jérémy, viens, je t'attends. J'ai fait l'armée. Non, mais attends, t'inquiète pas, il est trouillard. Si t'arrives, il se planque sous la console. Non, mais c'est pas ça, mais c'est juste que Cindy, qui est notre garde du corps personnel, qui est caporal. Moi, je sais pas, l'autre derrière, là. Ouais, Jérémy, on dirait que c'est la voix de Secret Story, là. Qui c'est? Ah, c'est toi, Doc. L'autre derrière, là, qui te parle. Ouais, tu m'entends pas, là? Ici, la voix. Est-ce que tu peux dire ça, Doc? Ici, la voix. Ah, oh, oui, c'est pas mal. Est-ce que tu peux dire c'est tout pour le moment? C'est tout pour le moment. Ah, oh, putain. Pas mal. En fait, Doc, c'est la voix de Secret Story. Ça y est, c'est lui. C'est lui, en fait, putain, sans déconner. Oh, je suis trop fan de toi, Doc, sérieux, putain. Ah, tu peux nous donner des missions pourries à faire, un truc comme ça. Jérémy, on n'est pas là pour te clasher, on est là pour t'aider, mon Jérémy. Bon, tu peux envoyer une photo que je vois. Attends, Doc, on a Marion qui est coiffeuse. Ouais. Marion qui est coiffeuse, qui va nous aider. Marion qui est coiffeuse. Ah, oui. Pourquoi pas. Bon, j'accepte. Elle a surtout 30 ans. Marion, oui. Elle a 30 ans de Paris. Elle appelle pour toi, Jérémy. Sois gentil. Vas-y. Avec elle. Bonsoir, Marion. Marion. Oui, bonsoir. Salut. Ouais, Marion, ça allait. Tu sais quoi, son kiff, quoi. C'est ça. Et t'as cru qu'il y a pour draguer. T'as cru que tu voulais pécho Marion, ouais. Ouais, c'est ça, je pense. Non, je sais pas s'il y a moyen pour. Ah ouais. Alors, Marion, on se concentre. Marion, tu es coiffeuse, tu as entendu, il a fait du défrisage. Hein, voilà, il perd ses cheveux depuis, il a le sentiment d'avoir cramé ses cheveux. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Marion? Bah, déjà, il faut savoir s'il a fait son défrisage, donc il l'a fait tout seul à la maison. Et est-ce qu'avant, il avait fait d'autres défrisages ou pas du tout? J'en avais déjà fait un avant et je l'ai fait tout seul, oui, avec un. C'est un ami qui m'a dit de le prendre, mais je l'ai fait tout seul chez moi. Mais c'était le premier ou c'était le deuxième? Le deuxième. D'accord. Et en fait, le premier remonte à combien de temps? Le premier, il datait de 6 mois. Ok, parce qu'en fait, ce qui peut se passer dans les défrisages, c'est que tu as deux technologies différentes. J'ai l'impression d'être au salon de coiffure. Sans déconner. Vas-y. Je peux avoir un petit café? Explique-nous comment tu fais. Non, laisse-la dire. Et donc, en fait, tu as deux technologies. Tu as la technologie de Thiolet et tu as l'autre qui est l'hydroxyde. Et en fait, les deux ne sont pas compatibles. Donc, si tu mélanges les deux, ton cheveu peut casser directement, soit dans la foulée, soit 2-3 jours après, ton cheveu peut complètement céder. Parce que c'est des procédés chimiques qui sont pas compatibles entre eux. Mais ça va repousser après, quand même. Mais oui, voilà, à la base, c'est plus le cheveu qui a cassé. Oui. Qui plutôt que, enfin voilà, le produit il n'est pas rentré à l'intérieur et a pas cramé le bulbe. D'accord. Du cheveu, quoi. Mais voilà, c'est ça. Donc tes cheveux ils vont repousser. En attendant, franchement, rase-toi le crâne, quoi. Tu vois, tu mets un bonnet et puis il y en a pour 2-3 semaines. Ouais. Mais après, ma copine elle va me quitter. Mais t'as l'habitude à l'armée. C'est pour ça. C'est pour ça que tu dragues Marion. Marion elle a 30 ans. Si elle veut boire un verre, elle me dit directement. Marion, t'es célibataire? Non. D'accord, ok. Je pense qu'elle est célibataire, mais elle s'en fout. En couple, Marion. Ilan est avec nous, 32 ans de Lyon. Salut, Ilan. Salut. T'as des conseils, salut. Paraît, Ilan. Ouais, c'est pareil, en fait. Si t'as acheté son défrisage en grande surface, il faut voir, il y a plusieurs forces, en fait. Et il a peut-être pris une force hyper, hyper puissante et ça lui a brûlé le cuir chevelu. Oui, en fait, il faut voir s'il a des... Le cuir chevelu, des plats. Ouais, attends, tu pourrais pas le cuir chevelu comme ça, il aurait une plaie. Voilà, c'est pour ça qu'il faut savoir s'il a des rougeurs. Attends, on va lui demander, mais attends, t'as raison, tu peux évoquer la question. Est-ce que ton cuir chevelu était abîmé? Est-ce que t'avais une plaie? Non. Non, non, ça va, il a pas abîmé. Ça veut dire qu'en fait, il était trop fort pour sa nature de cheveux, et son cheveu, il a pas supporté, il a cassé. Donc en fait, il faut qu'il aille voir un dermato directement. C'est ce qui est prévu, t'attends bien. Bon, c'est ce qui est en train de... en cours. Eh ben Jérémy, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Tu vois, la solution est... le conseil de Secret Story, tout va bien. Eh oui, tu peux terminer le sujet en disant c'est tout pour le moment, Doc. C'est tout pour le moment. Voilà, merci Jérémy. Bisous. Bisous Marion. Ah ouais. On va te repasser Marion en antenne, espèce de chacal. Salut. Love you Marion. Oui. Jérémy, Jérémy, sans déconner, il est drôle. Ah bah oui, il est sympa. On sera dans un instant avec vous tous, un 01 42 48 5000 et on va se faire un kiff. On va imaginer qu'on va devenir millionnaire dans un instant. Ah, j'espère. Très nombreux à réagir sur le hashtag si j'étais millionnaire.

Les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas tout. Nous ne sommes que des calques. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. Je capte pas, les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Love in Fun 20h, 22h avec Doc, Karel et Alice sur Fun Radio. Tous les soirs, c'est Love in Fun sur Fun Radio. Merci d'être avec nous. N'hésitez pas à nous appeler toute la soirée. 01 42 48 5000. J'ai regardé les snaps qu'on nous a envoyés. Il y a plein de snaps là, sur le Snapchat de l'émission. N'hésitez pas à nous ajouter. C'est Love in Fun Radio. Dites tout ce que vous faites en écoutant la radio. Là, vous faites une petite photo. Et je salue Jean qui nous écoute, qui est à l'hôpital. Voilà, on lui souhaite bon courage. Il y en a plein qui nous écoutent aussi dans les hôpitaux le soir. Ils ne savent pas trop quoi faire. C'est vrai que c'est un peu relou comme situation. Donc on vous souhaite bon courage et merci d'être avec nous tous les soirs. N'hésitez pas. Si c'est pas pour ça qu'ils nous écoutent aussi. Ah bien sûr que non. Mais attends, c'est. Elle est j'ai bien. Rien à faire. Alors finalement, j'écoute la Win Fun. Non, mais non, Doc. Oh, allez, pourquoi tu veux interpréter comme ça, Doc? J'ai écouté ce que t'as dit. Mais oui. Alors on va parler de l'Euro Million. Ce soir, il y a 166 millions d'euros. On aura les résultats à 21h30. On peut quitter le studio à 21h30. Hein. S'il y en a un d'entre nous qui est millionnaire. À 23h, je crois, pour nous. C'est à 23h en France. À 21h30, c'est dans les locaux de la Française des Jeux. Il nous dit ça comme s'il avait. Bon, bah, on y va alors. D'accord. Il avait des contacts. Alors, 166 millions d'euros. Dites-nous, qu'est-ce que vous feriez voilà, si vous deviniez millionnaire c'est le hashtag si vous étiez millionnaire. Hashtag si j'étais millionnaire. Hashtag si j'étais millionnaire. Voilà, soyons précis. Andrea est avec nous, 19 ans de Nantes. Bonsoir, Andrea. Salut, Andrea. Bonsoir. Salut, Andrea. Salut. On va rêver un petit peu là. Hein. Imagine, tu gagnes 166 millions d'euros. Tu es le grand gagnant ce soir. La grande gagnante. C'est merveilleux déjà. Bah, je crois voilà. Ah, déjà, elle y félicitations. Croit. Félicitations. Elle y croit. Bravo. Bravo, Andrea. Bravo. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent, Andrea? Déjà, j'en donne la moitié à mes parents. Parce qu'ils ont des gros soucis d'argent. Et ouais. réellement, ils ont fait tout pour moi et pour mes frères. Donc, du coup, j'en donne la moitié. Je suis obligée. Donc, voilà. Et ensuite, je garde la moitié pour moi. Et je me fais des petits plaisirs. Et puis, au pire des cas, j'en donne un peu à une association. Au pire des cas. Au pire des cas. Non. Voilà, s'il m'en reste un petit peu. Il y a quand même au départ une action de générosité. Bah, bien sûr. Un peu centrée sur elle, mais bon. Non mais attends, mais c'est normal. Ouais, tu veux que je te donne une nouvelle? Vas-y, t'as pas, Doc. T'as pas gagné ça. Oh l'enfoiré. Mais quel sait connard pas, on ne sait pas. Là, je te parie que t'as pas gagné. Bah, est-ce que t'as joué? T'as joué, Andrea, ou pas? Non. Eh ben voilà. Ouais, j'avais raison. Ah oui, t'avais pas gagné. T'avais raison, Andrea. En tout cas, merci à toi. Kurt est avec nous. 21 ans de Calais. Salut, Kurt. Salut, Kurt. Ça va bien, Kurt. Tu nous entends bien là? Oui, je vous entends bien. D'accord. Kurt, est-ce que tu as joué ce soir? Non. Ah bah, bon, imagine. On s'en fout. Donc en fait, il peut imaginer parce qu'il sait qu'il n'a pas joué. Donc. Bah c'est oui. Ça, mais peut-être que le t'imagines prochain que tirage... celui qui a joué se dit, punaise, oui, peut-être que j'ai gagné. Ah bah oui, bien sûr. Pour gagner, il faut jouer. Hein. Alors, Kurt, tu gagnes 166 millions d'euros, qu'est-ce que tu fais? Bah d'abord, je travaille plus de ma vie. Tu m'étonnes. Vas-y, continue. Tu vas te faire chier. Hein. Ensuite, j'investis 66 millions dans l'immobilier parce que l'immobilier, après tu vends, tu loues, l'argent rapporte l'argent. Ah, le mec est un financier. C'est il le a loup 166 de... millions d'euros, il en veut encore plus. C'est le loup de Wall Street, le gars. Tu sais, il y a quand même eu des scandales autour de ça. Ça peut perdre de l'argent, mais enfin bon. Vas-y, à double tranche. Hein, ce soir, Doc, il a décidé de briser tous les kiffs. Il est très terre à terre. Aux États-Unis, sur Prime, c'était équivalent. Enfin bon. Oui, c'est vrai. Alors, Kurt, donc tu. Ils sont ruinés avec ça. Tu rachètes un petit peu dans l'immobilier, qu'est-ce que tu fais d'autre? Et après, je profite de la vie, je voyage, tranquille. Ah voilà, le voyage. C'est comme le sketch de Gad Elmaleh. C'est quoi le sketch C'est bien au Canada. Ouais. Hein? Vous êtes millionnaire, qu'est-ce que vous faites? Bah, je vais voir des putes, parce qu'avec ça, ça en fait un paquet de putes. et c'est le sketch de Gadelma. Il dit, je largue ma femme, et je vais aux putes, parce que pour $1 million, c'est le ça tweet, en fait des putes. C'est le tweet de Kassim. Qu'est-ce que fais, toi, avec... Moi, je me prends des putes et je m'achète des bonbons. Voilà. Comme ça, c'est très bien. Non, mais c'est vrai, Sullivan est avec nous. Bonsoir, Sullivan. Salut à vous. Salut, Sullivan. T'as 26 ans. Tu nous appelles d'où, Sullivan? De Saint-Chamond. C'est à côté d'où, ça? À côté de Marseille. D'accord. Eh ben, bienvenue à toi, Sullivan. Merci. Ce soir, tu es millionnaire. Tu as le droit de rêver, mon pote. Tu viens de gagner 166 millions d'euros. Qu'est-ce que t'en fais? Je passe la moitié à mes parents, à mes frangins, et après, je fais la fête. Générosité, générosité oblige. Une grande fête. Obligé, ouais, obligé. D'accord. Et au niveau filles, tu fais quoi? Ouais. Ah, je sais pas. Peut-être, je garde ma copine, je pense. Je pense. Non, mais, t'as raison. Mais attends, c'est fou qu'on remette tout en question pour de l'argent. Attends, il y a des mecs qui larguent leur copine. Il y a des gagnants justement de l'Euromillions. Ils se cassent, quoi. Il y a eu des bouquins et tout qui ont été écrits. Et les mecs, ils giclent sa nana, tu vois, pour en prendre une plus belle parce qu'il a du pognon, quoi. Sans déconner, comme si les filles étaient vénales, quoi. Ouais, mais je veux pas faire mon doc. Comme si c'était des objets. Absolument, doc. Je veux pas faire mon doc, mais il y en a aussi qui se suicident après le gain de l'Euromillions. Donc voilà, je veux pas faire la brisque. Mais ta vie change quand même du jour au lendemain. Je répète, ça a été étudié. 6 mois après les gains au loto, tu reviens à la case départ. Bah moi, je vais vous dire, si je gagne 166 millions d'euros, bah j'en veux pas. Je donne tout pour une association. Quelqu'un peut mettre la musique de Michael Jackson, il veut wow. Tu sais que c'est arrivé en Allemagne. Quel mytho. Non, mais tu sais que c'est arrivé. C'est-à-dire, il a tout donné. Et puis il a flippé, le lendemain, il a tout donné. Oh, les fions. Ça, c'est vraiment le con de l'année. Notre auditeur du soir qui est avec nous, c'est Pierre. Ça, non, mais c'était un vrai philosophe qui savait la vraie valeur de la vie. Tu vois. Bien sûr. Pas besoin de ça pour être heureux. Pierre, t'as 13 ans, toi. À 13 ans, tu rêves de quoi, toi? Tu rêves d'avoir toutes les consoles de jeux? Vas-y. Non, loin de là. En fait, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est m'acheter une putain de belle baraque et faire comme si c'était Ibiza et vous inviter tous là-haut. Et on fait la tasse tout le temps. Ça, c'est cool, ça. J'espère que tu vas gagner, Pierre. Ouais. Ah bah. Si on fait la taf tout le temps, ça devient aussi chiant que le travail. Hein. On installe les studios de Fun Radio là-haut, tu vois. Ah ouais, on met les studios dans ta maison et tout. T'as une grande sœur ou pas? Oh non. Ah merde. Non, tu pourras en acheter une pour toi. Ah ouais, cool. touche pas à la sœur. Qu'est-ce que tu en fais, toi, Alice, de ces 166 millions d'euros? Oh là là, moi déjà, je pense que je voyage de ouf. Je pense que je m'achète une styliste pour que ce soit la mienne. Et à chaque fois que j'ai des envies de fringues et tout, elle me les dessine, elle me les fait. Tu vois, le genre de truc un peu stupide. Mais au niveau mec, tu fais quoi? Bon, au niveau mec, ça changera pas grand-chose à ma vie. Donc non, je pense que. Tu le gardes? Bah, bien sûr. Je vais pas lui dire ça y est, j'ai touché le pactole, dégage. Non, je me vois pas faire ça. Et puis bien sûr, les mecs font ça, mais pas les filles. Non, mais une île paradisiaque, c'est vrai. C'est ça. Ouais. Tu t'achètes ton île. Putain, ça doit être un kiff énorme quand même de voyager, faire le tour du monde. Putain. Mais je suis quand même d'accord avec Doc, tu peux quand même vite te faire chier. Alors franchement, on lance un appel. Si vous avez déjà gagné mais une grosse somme d'argent. Franchement, vous êtes en train de nous écouter, vous avez gagné une grosse somme d'argent comme les tuches, hein. C'est vrai, c'est exactement ça. J'aimerais trop que ce soit un tuche qui nous appelle. N'hésite pas à nous appeler. Tu t'appelles tuche, appelle-nous, hein. Tu t'emmerdes pas. 01 42 48 5000, dites-nous si vous avez gagné une grosse somme d'argent, qu'est-ce que vous en avez fait. Je trouve que la plus grosse arnaque de la Française des Jeux, c'est que tous les gagnants tous les gagnants ont joué. Bah oui. Oui, non, mais attends, c'est pour que tu joues. Bah oui. Mais il y a quand même que des perdants, quasiment. Oui. T'as décidé de niquer la soirée ce soir? Non, la Française des Jeux. Ok. Le message est passé. On continuera de rêver. On saura le résultat tout à l'heure à 23h. En attendant, on va accueillir Calice. Calice, 13 ans de Châteauroux. Salut Calice. Salut Calice. Salut Doc. Salut Karel. Salut tout le monde. Tu sens la motivation du man. Hein. Il est au taquet. T'as 13 ans, t'es à Châteauroux, Calice. Tu vas faire le défi, fallait pas demander. On va appeler qui dans un instant? On va appeler ma grand-mère. Elle s'appelle comment, ta mamie? Elle s'appelle Michel. Mamie Michel. Et qu'est-ce que tu veux lui demander? Je vais lui demander, est-ce que c'est grave d'insulter un adulte? Ok. Oula. On n'en dit pas plus. On le fait dans un instant. Restez bien avec nous, ça va être énorme. En attendant, c'est Jonas Blue, Perfect Strangers sur Fun Radio. Love in Fun. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. Yeah. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't. We can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Jonas Blue sur Fun Radio, Perfect Strangers. T'as une question que tu n'oserais jamais poser? Non mais c'est quoi cette question à deux balles? Fallait pas demander. Fallait pas demander. Dans Loving Fun. Tous les soirs, 21h, défi, fallait pas demander. Alors ce soir, ça va être magique, hein. Je vous le dis, on va, je pense, encore vivre un grand moment avec Calice. Calice, il a 13 ans, il nous appelle de Châteauroux. Salut Calice. Salut Karel, salut Doc. Salut tout le monde. Bienvenue Calice dans Love in Fun. Alors, le défi fallait pas demander, est-ce que tu peux expliquer le concept, hein, un petit peu pour tous ceux qui ne connaîtraient pas l'émission? Qu'est-ce qu'il faut faire dans le défi? Bah en fait, il faut poser une question à quelqu'un. Ouais. Et il faut essayer d'énerver. Voilà, c'est ça. Essayer d'énerver. Tu veux appeler qui, toi? Moi, je veux appeler ma grand-mère. D'accord. Et comment elle s'appelle, ta mamie? Elle s'appelle Michèle. La grand-mère Michèle. Ah oui, mamie. Ah bah voilà, Michèle. Ça fait plaisir. Mamie Michèle qu'on va appeler. Alors, qu'est-ce que tu vas poser à mamie Michèle comme question, là? Bah, je vais lui poser, est-ce que c'est grave d'insulter un adulte? Ah, elle est un petit peu à cheval sur, sur les... la politesse les, la, ouais, c'est ça, la politesse. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Donc, est-ce que c'est grave d'insulter un adulte? Si t'as besoin d'un adulte, hein, je serai dans les parages. Hein. tu m'as insulté très fort, d'accord? Ok. C'est parti, on appelle grand-mère Michèle, la grand-maman de Calice. Elle a 63 beaux printemps, c'est magnifique. Allô? Oui, allô, mamie? Oui. Oui. Je voulais te poser une question. Oui. Oui. Est-ce que c'est grave d'insulter un adulte, mamie? Ah bah oui. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Non, parce que en fait là je suis chez un pote. Oui. Et du coup en fait on allait passer à la table et tout. Et du coup il m'a demandé si je pouvais aller me laver les mains. Et du coup en fait bah je lui ai dit que j'avais pas envie de me laver les mains et que je lui ai dit bah d'aller se faire foutre. Et du coup après bah À quel adulte? Mais tu as dit bah, que j'étais un gros au con. Au père de mon copain. Tu lui as dit ça au père de ton copain? Bah oui. Tu avais bah, qui c'était... au téléphone, là? Oh, toi, tais-toi, c'est le débile. Mais ça va pas la tête ou quoi? Enfin, mais c'est pas possible de me parler comme ça. Allô? Oui. Bonjour, madame. Mais qui vous êtes? Bah, je suis le papa de son copain, Corentin. Voilà, j'avais invité à la maison. Je comprends oui. pas. Il m'a insulté. Ah bah non, mais attendez, c'est pas bien du tout ça. Mais monsieur, je reconnais que c'est pas bien du tout. Mais comment ça se fait qu'il est comme ça? Vous êtes Calice, il est pas comme ça d'habitude. Vous êtes la maman? Non, je suis sa grand-mère. Ah, vous êtes la grand-mère. Eh ben, bravo l'éducation, madame. Hein. Bravo. Oh, ben dis donc, excusez-moi, mais Calice, c'est quelqu'un de... Normalement, il passe partout et il est correct. Alors, on je comprends pas ce qui se passe, là. Il arrive chez moi avec les mains dégueulasses. Hein. Déjà, oui. On se demande au niveau de la propreté dans sa maison. Hein. Ça, je me suis posé beaucoup de questions. Et ensuite, je lui demande gentiment d'aller se laver les mains sur le bidet. Hein. Chose à laquelle oui. Il me répond, ta gueule, connard. Non, qu'il attendez. Qu'il me dit, madame, je vous dis. Arrête de me faire des signes comme ça. Il me fait des doigts. Oh non, mais ça va pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, je m'en vais. Je vais appeler sa mère, hein, parce que ça va pas, ça. Enfin. Bon, passez-moi-le. Moi, et qui commence à pisser par terre, en plus, celui-là. Il met son zizi, là. Vous êtes quelqu'un. Non. Bah, il est en train d'uriner dans mon salon, mais enfin. Non. Mais c'est une histoire que vous faites, là. Il va poser sa pêche. Oh, et ben, repassez-moi-le parce que franchement, hein, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Je le passe, je comprends pas non plus. Ah non, mais si ça continue comme ça, ça va pas, ça. Hein. Il a un grain dans sa tête, comme. Oh, oui, certainement. Comme vous, j'ai l'impression, madame. Hein. Oh, ben merci. Ça tourne pas rond dans votre ciboulot, vous, hein. Et là, c'est vous qui m'insultez, par contre. Alors là, je vais pas me laisser faire non plus, attention, hein. Ah, allez-y, madame, je vous attends. Ah oui, non, je me laisserai pas faire non plus. Hein. Bon, je vous repasse votre petit-fils, c'est ça? D'accord, monsieur. Calice? Oui? Je te passe ta grand-mère. Tu mettras ta merde sur le tapis, là, hein? Oui, bah ça faut de le faire. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Calice? Oui, mamie, de toute façon, c'est un menteur, c'est pas vrai. Bon, arrête, Calice. Bon, qu'est-ce que c'est? C'était pour me faire un tour ou quoi? Mais non, mais c'est vrai, il faudrait que tu viennes me chercher parce que là, ça va pas très très bien dans sa tête. Ah ben non, mais moi, c'est pas moi de venir te chercher. Moi, je peux pas, je m'en vais chanter. Alors, mais qu'est-ce que ça, là? Il vient, arrête! Michel? Vous êtes... Allô? Michel, vous êtes en direct sur Fun Radio, Michel. Oh! Ils sont écroulés. Ils sont écroulés de rire. Non, mais écoutez-moi. On est allé un petit peu loin sur le caca sur le tapis. Ah, c'est vrai. Hein, oh, Michel, elle est pas mal, celle-là. Vous êtes tellement adorable, Michel, au téléphone. Ah oui. Vous êtes la grand-mère à qui on a envie de faire plein de bisous, Michel. C'est vrai, exactement. Mais c'est vrai. Mais en plus de ça, c'est que ça, je suis à cheval sur le respect. Mais bien sûr. Et la correction. Alors là, ça, je commençais à me dire, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Mais... Et puis, Calice, dans sa bouche, des mots comme ça. Là, ça n'est pas. Hein. Eh bien, le but, Michel, c'était de vous énerver, justement, parce qu'il savait que vous teniez au respect, à toutes ces choses qui sont importantes dans la vie, comme une bonne éducation. Et il s'est dit, je suis sûr que si je pose la question à ma grand-mère, elle va péter un câble. Il nous a dit, et tout ça, c'était pour gagner, bien sûr, un magnifique cadeau. On va lui envoyer ses enceintes, bien sûr. Oh, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Eh bien, dis donc, Michel, vous avez une petite course à faire, a priori. Moi? Oui. Oui, je dois partir et puis je vais aller chanter aussi. Alors, Vous faites partie d'une chorale, Michel? Je fais partie d'un groupe de chant, oui. Ah, c'est magnifique. Est-ce que avant de partir, vous pouvez nous entonner une petite chansonnette? Non. Michel, Michel. Allez Michel, 3, 2, 1. Je vois que vous vous amusez bien. Hein. Allez c'est, Michel. C'est parti Michel, on y va, top, on y va. Stone, le monde est stone, je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers. Qui tourne à l'envers. Bravo Michel. Bravo, Michel. Voilà. Ouais. Voilà. Michel, ça passait sur Fun Radio, mais dans les années 50. Hein. Donc forcément. Eh ben oui, mais c'est une belle chanson quand même. Mais bien sûr, Michel. Enfin, un gros bisou. Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante? Il est où le bonheur? Il est où? Oh non, pas celle-là. Oh non. Pas cette chanson. Oh non, pas celle-là. Alors laquelle? Non, bon. C'est un vrai jukebox, cette Michel. Écoutez, Michel, vous savez quoi? On vous rappellera à tout moment pour chanter une petite chanson. On sent que. Eh, Michel, faut pas la faire prier, hein. Sinon elle te fait tout l'album. Hein. Michel, on vous fait un gros bisou. Ta grand-mère, elle est fantastique. Calice, tu reviens quand tu veux. Ouais. Gros bisous à tous les deux. Salut Calice, salut Michel. Allez, au revoir. Fallait pas demander. Dans Loving Fun. Love in Fun tous les soirs sur Fun Radio 01 42 48 5000. Dans un instant, ce sera Charline, 24 ans, du Mans. Salut Charline. Salut Karel, salut Dave, salut tout le monde. Tu t'appelles pourquoi, Charline? Comment? Tu t'appelles pourquoi, ma chérie? Ben en fait, parce que j'ai un souci, et mon mec, en fait, il est trop bruyant. Lui. D'accord. Et ça, ça peut être chiant. Hein. Quand même, quelqu'un parle trop, n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà vécu ça. 01 42 48 5000. On écoute Son of Legend avec Blue sur Fun Radio. Legend Blue sur Fun Radio. 20h, 22h. 0,42,48,5. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Et je vous annonce que dans un instant, on aura un gagnant du loto. On en parlait là tout à l'heure hein, avec le hashtag Si j'étais millionnaire, puisque ce soir, il y a, je rappelle, 166 millions d'euros à gagner à l'euro million. On va avoir un gagnant du loto, il a quand même gagné 9 millions d'euros. C'est quand même une belle somme. Hein. On va savoir ce qu'il en a fait et justement si sa vie a changé, restez bien avec nous. En attendant, on a Charline, 24 ans du Mans. Bonsoir Charline. Salut Karel, salut tout le monde. Bienvenue salut. Charline dans Love in Fun. Raconte-nous. Vous allez bien? Ben, ça va bien ce soir, on est comme tous les soirs, content d'être là. Raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu voulais nous dire quoi? Eh ben, en fait, j'ai mon mec qui fait des bruits bizarres, qui est trop bruyant en fait. Il fait des bruits bizarres, des bruits d'animaux. Mais quand tu dors ou avant? Non, c'est en plein acte. Ah, quand ah ouais. Tu peux nous montrer, nous dire un peu comme ça quel genre... C'est un peu compliqué. Vas-y. Les animaux, quoi, les trucs bizarres, c'est pas simple. Il fait quoi? Il fait... Ouais, des bruits d'animaux, des trucs bizarres, quoi. Et personnellement, pas ça coupe tout, quoi. Et ça te coupe tout. Ah ouais, non, c'est... Ah bah oui, et toi, tu lui as dit quoi? Ben moi ça coupe tout, ça s'arrête quoi. Mais est-ce qu'il a... Non mais ça c'est au moment de l'orgasme ou avant ou pendant? Ah bah c'est même pire au moment de l'orgasme. Ah, c'est comment au moment de l'orgasme, tu peux nous dire? Je saurais pas vraiment dire, je suis vraiment incapable de me dire. Mais ça a dû te marquer. il crie, il fait quoi? Alors... Ouais, ça va au cri, au point de faire un truc bizarre, genre limite des bruits du gorille, quoi. Non, ok, alors Charline, ce qu'il faut savoir, c'est qu'hier soir, en fait, on a mis un enregistreur sur Doc, il n'était pas au courant, un micro, et on va vous passer le son d'hier soir quand il était avec Katoche, quand il est rentré, et qu'il a. Bon, non, ça, c'est vous allez vite comprendre qu'il a fait l'amour. Écoutez, ça dure 10 secondes et c'était Doc hier soir avec Atoche. Non, c'est pas ça, c'est un cochon. On reconnaît bien Doc. Ah oui, oui, oui. Hein, on reconnaît bien Doc. Ah ouais, ouais, non, mais bon, bien sûr. On peut appeler Catherine, elle va démentir. Non, mais Charline, c'est vrai que parfois, quand on fait l'amour, on est dans des. Enfin, je sais pas, on réfléchit pas, quoi, tu vois. Et on, oui, non, mais... on a un instinct. Un est-ce qu'il est là Est-ce qu'on peut lui en parler? Tu lui as dit, je sais pas. Bah, en fait, justement, je me posais la question, est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Est-ce qu'il faut que j'en parle? Comment on y en parle? Bien sûr qu'il faut. Attends, faut attends. Parle quand on fait l'amour. Comment bah, quand, on fait l'amour, quand on fait l'amour avec quelqu'un, il y a effectivement des choses qui peuvent être dérangeantes dans les attitudes, dans la façon de faire, dans les positions demandées, différentes choses. Et je pense que faire l'amour avec quelqu'un, c'est trouver un bon équilibre entre ce que chacun désire, ce qui fait fantasmer chacun, ce qui donne du plaisir à chacun. Et que cela, c'est par la connaissance et en parlant qu'on peut le trouver. Il faut trouver un juste milieu. Hein, voilà. Alors peut-être que, je ne sais pas, ce qu'il pourrait dire. Il parle aussi ou pas? Parce qu'il y a aussi des mecs qui disent beaucoup de choses. Oui, qui disent... Non, c'est vraiment des bruits. Il te dit pas tu aimes ça, genre, des trucs comme ça? Non. Et toi, tu dis quoi? Bah, moi, gueule. Je fais semblant de simuler vers la fin. Quoi. Ah ouais, vraiment, ça passe à court, quoi. Tu fais pas semblant, tu simules. Ah, est-ce que voilà, tu fais genre, oh oui, c'est bon. Non, tu devrais limiter. Non, mais tu fais semblant d'être excité, ce qui fait que ça augmente ses bruits. Ouais, non, voilà, mais... c'est ça. Non, et le meilleur conseil, c'est celui d'Alice. Tu limites, genre tu fous ta gueule, quoi. Tu limites pendant le rapport, donc du coup, il va se rendre compte des bruits qu'il fait. Il va se dire, ouais, c'est peut-être un peu chelou. Alice, c'est pas con, j'avais pas pensé à ça. Ça t'est arrivé, toi, Alice, parfois de faire l'amour comme ça avec un mec et là, tu t'étais très étonnée quand même. Je suis déjà tombée sur quelqu'un, mais qui faisait pas des bruits genre de mec un peu viril, des bruits de gorille ou compagnie. Il faisait des trucs hyper féminins, genre. Tu vois, c'était genre le mec, il avait des petits moments, mais on sentait que ça sortait tout seul. Il voulait faire un et puis après ça faisait un. Tu vois, mais ça, voilà, non, c'est. Il a perdu toute sa virilité. Hyper est-ce particulier. Est-ce que ça t'a coupé En fait, moi je suis tendance à pouvoir me taper un fou rire à n'importe quel moment, donc c'est le genre de truc qui m'a fait beaucoup rire. Et puis, du coup, tu t'arrêtes et tu penses mec, à ça. Le mec est très excité, et la fille éclate de rire, ça. Oui, mais attends, il fait des petits bruits de pauvre petite chatte. Enfin, je veux dire. Non, mais c'est vrai, putain, et parfois, tu tombes dans des situations. Écoute-moi, Charline, il faut absolument lui dire. Voilà. Il faut en parler, Charline. C'est important. Kassim. Sinon, on peut lui dire. Kassim, notre producteur, toi, t'es comment on lit, toi? Ah, je suis plutôt bruyant, moi. Mais vu que j'y vais fort, c'est en mode. C'est ça. Oh la brute. Ça démonte, quoi. Bien sûr. On pense que je démonte un meuble Ikea? Bien sûr, je pense que c'est surtout un beau parleur, toi. Ouais, c'est le seul truc que tu démontes, le meuble Ikea, justement. Ouais. Moi, j'extériorise. Tu sais qu'il y a des mecs comme ça qui se sont fait des fractures de bite. Fractures de verre. Non, mais ça, c'est pas bien. Charline, on peut pas lui passer un coup de téléphone, là? Non, c'est pas possible. C'est pas pour l'afficher. Mais non, mais attends. C'est faut pas avoir peur de parler, tout simplement. Mais attends, il y a aussi une dimension que tu dois bien comprendre, c'est qu'il est peut-être persuadé que ça t'excite beaucoup, puisque tu réponds, toi, par un faux plaisir. Et plus il fait comme ça, plus toi tu t'en rajoutes. Et si t'en rajoutes, il continue. Hein? Ouais. D'accord. Ouais. Donc d'accord. Si tu te tais, tu dis rien, ça va le calmer. D'accord, Charline. D'accord, ok. Bah, allez, on discute. Et sinon, la prochaine fois, tu nous fais un petit enregistrement sympathique qu'on s'empressera de diffuser pour agrémenter le sujet. D'accord, Charline. Ça marche. On te fait des gros bisous, ma chérie. Un gros merci. Bon courage avec ton gorille. Salut. Le chiffre d'Alice dans un instant sur Fun Radio. Restez bien avec nous. On va parler de quoi ce soir, Alice? Bah écoute, un truc un peu particulier. Apparemment, au bout de 10 jours sans dormir, on pourrait carrément en mourir. Donc, violence du chiffre de ce soir. Du coup, on s'est un peu posé la question, est-ce que vous êtes du style à faire des nuits blanches? Quel est votre grand record, entre guillemets? Et surtout, comment vous le vivez le lendemain, quoi? Ah ouais, non, mais quand tu dors pas, t'es dans un état, c'est horrible. Moi, j'ai cette expérience par le travail. Ah, c'est vrai, puisque tu fais beaucoup de nuits à l'hôpital et tout. Un peu moins maintenant, quand même. On va. Vous m'épuisez assez comme ça. Ouais. C'est pas nous qui t'épuisons, c'est Katoche. C'est ta future femme. Est-ce que vous avez déjà passé plusieurs jours sans dormir? Comment vous vous retrouvez quand vous avez fait une petite nuit blanche? Là, venez nous raconter 01 42 48. 5000. On en parle dans un instant et on écoutera Mike Perry, The Ocean sur Fun Radio. Et ça, c'est bon. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, merci d'être avec nous. À tout de suite. Tous les

radio, sur internet, sur les portables. Vous écoutez Fun Radio Love in Fun et on vient de se faire Mike Perry, The Ocean. 20h, 22h. 0 à 42 48 5 000. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Dans un instant, on va avoir Ahmed. Il a 27 ans. Il a gagné 9 millions d'euros au loto. Il va nous raconter justement si sa vie a changé. Puisque je le rappelle, on a lancé le hashtag Si j'étais millionnaire. Ce soir, il y a 166 millions d'euros à gagner à l'euro million. C'est quand même une grosse somme d'argent. On a tous joué dans l'équipe. On saura peut-être si à 23h, nous sommes millionnaires. Juste avant, on lit vos messages sur les réseaux sociaux avec Alice. Un message de Karim. Ma meuf est toujours en train de me coller. Même quand je me déplace dans notre appartement, elle me suit partout comme un chien. Pourquoi elle est comme ça? Il faut qu'il lui pose la question. C'est une excellente question. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas vivre. Il y a un respect de l'autre. Et quand on envahit son territoire comme ça, on ne le respecte pas. Et un autre message de Louisa. Je ne suis pas chez moi en ce moment et je n'arrive pas à trouver la fréquence pour vous écouter d'où je suis. Comment je peux faire? Funradio.fr. Voilà. Toutes les fréquences, où vous soyez, vous allez forcément trouver une fréquence. Et sinon, partout dans le monde. D'ailleurs, on nous écoute partout, justement. On a beaucoup d'auditeurs qui sont au Canada. On a eu un auditeur qui nous écoute de Tahiti. Ouais, ça c'est ouf. C'est juste énorme. Là-bas, il doit être 9h du matin. N'hésitez pas, funradio.fr. Vous êtes connectés partout. On va accueillir Ahmed. Ahmed, 27 ans. Bonsoir Ahmed. Salut Ahmed. Salut Doc, salut Karel, salut Alice, salut. Salut Ahmed, je sais que t'étais sur autoroute, tu t'es garé là? Ah non, du tout, je suis chez moi là. Ah, c'est arrivé chez toi. Donc, ouais, je suis arrivé chez moi, ça y est. Dans son château. Ouais, on va le savoir. Tu fais partie de ceux qui ont gagné une grosse somme d'argent au loto, à l'euro million. C'était au loto toi, hein? Exactement, ouais, l'année dernière, 9 millions d'euros au loto. 9 millions d'euros, raconte-nous comment ça s'est passé. On veut tout savoir, à partir du moment où tu apprends, déjà rien qu'au tirage, quoi. Comment ça s'est passé? Le tirage, en fait, le soir du tirage, j'étais pas devant la télé, j'ai pas regardé. Ouais. Et c'est le lendemain matin, en fait, en allant au boulot, où je suis passé au bar tabac acheter des cigarettes. Ouais. Et j'ai donné mon ticket, et c'est là qu'on m'a dit, en fait, faut aller directement à la Française des Jeux, je peux pas vous en dire plus. Ah, ils t'ont même pas dit que t'avais... Ils savaient que t'étais gagnant? Non. En fait, ils savaient que j'étais gagnant, mais ils pouvaient pas me dire le montant, etc. Mais vaut mieux pas, parce que t'imagines, le mec, vous êtes perdant, il le met dans la poche. Ouais, non, putain. Déjà, il peut y avoir une grosse arnaque à ce niveau-là. Non, c'est bon, monsieur, donnez-moi votre ticket, vous n'avez rien gagné. Non, Ahmed, tu vas à la Française des Jeux, et là? Donc là, je vais à la Française des Jeux, donc je leur explique ce qui s'est passé. Ouais. Et ils me ramènent dans un... Donc, il y a quelqu'un qui s'occupe de moi, et en fait, c'est là qu'on m'annonce que j'ai gagné 9 millions d'euros. Putain. Alors, qu'est-ce qui t'arrive là? Tu t'assieds? À ce moment-là, c'est le vide dans ma tête. Je me demande si c'est une blague, comment ça va. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. En fait, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Est-ce qu'ils t'ont parlé? Est-ce qu'ils ont essayé de te prendre en charge, te proposer de s'occuper de l'argent? Oui, ils m'ont demandé s'ils voulaient si je voulais rester avec eux, etc. Ils m'ont dit qu'il fallait que je fasse attention parce que l'argent ça partait vite. En fait, quand on touche beaucoup d'argent comme ça, on veut tellement faire plein de choses. Et au final, je suis rentré chez moi, j'en ai parlé avec mes parents. J'ai donné une partie de l'argent à mes parents pour qu'ils finissent de payer leur maison. Bravo. Je leur ai donné un peu plus. Et après, je suis parti faire la fête, je suis parti avec des potes. Et maintenant, je kiffe la vie. T'as acheté quoi avec? J'ai acheté une maison, j'ai acheté une putain de maison, j'ai acheté une putain de voiture. T'as quoi comme voiture? Je vais faire des jaloux. Est-ce que c'est une voiture française déjà? Non, c'est pas une voiture française. Allemande. Mais il y en a une française qui arrive. Allemande, une voiture allemande. T'as acheté une voiture allemande? T'as acheté une Bugatti Veyron. Il y a tout, j'ai des italiennes. Une Ferrari. Je suis sûr que t'as acheté une Ferrari. Comment? T'as acheté une Ferrari? Oui. Une Ferrari, sans déconner. C'est la première que j'ai achetée. Ahmed, on va pas te juger, tu fais ce que tu veux, tu vois, c'est ton pognon. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui feraient ça, qui s'achèteraient une belle maison, une belle voiture. Peut-être même la première des choses que t'as envie de faire, quoi. D'abord, moi, c'était la maison. Et t'as arrêté de bosser, hein? Exactement, j'ai arrêté de bosser. Je suis parti à mon boulot où j'aurais dû démissionner. je peux te poser une question un petit peu indiscrète? Allez. Parce que j'imagine que quand tu gagnes 9 millions d'euros, on te dit qu'il faut que tu places ton argent pour que ça te donne de l'argent tous les mois, en fait, c'est ça? Ouais, j'ai placé mon argent, c'est ça. En gagnant 9 millions d'euros, tu peux gagner combien par mois? J'en dirai pas plus. D'accord. Mais dis-moi, t'as dépensé combien au début? C'est plus que le doc, je pense. Voilà. Oui, certainement, j'ai pas dépensé plus que 9 millions parce que je faisais attention, mais je pourrais même pas vous dire l'argent que j'ai. Et Et les on dépense sans compter, hein. Franchement, maintenant, on dépense sans compter. On n'est plus là, à la fin du mois, en train de se dire, si je mets de l'essence, est-ce que je pourrais faire ça après? C'est vraiment une autre vie, hein. C'est hallucinant. Mais on se dit que ça arrive qu'aux autres, et au final, ça peut arriver. D'ailleurs, on a tapé 9 millions d'euros. Alors, on tombe sur le braquage de Kim Kardashian, qui a perdu 9 millions d'euros, hein. Et on tombe sur toi aussi. Il y a des articles, voilà, qui parlent de toi, sur Internet. Ahmed, c'est important aussi de savoir comment ton entourage a réagi, parce que quand tu gagnes 9 millions d'euros, est-ce que tu en parles aux autres? Et est-ce que t'as d'anciens potes que tu voyais plus depuis 10 ans qui refont surface et qui te disent, salut Ahmed, ça va aujourd'hui? Absolument pas. Moi, je suis resté avec mes potes qui ont toujours été là, donc mon meilleur ami, ma meilleure amie et quelques potes avec qui je traînais, avec qui j'ai toujours traîné, qui ont toujours été là pour moi dans les bons comme dans les mauvais moments. Et à partir de là, je les ai fait kiffer aussi, je les ai arrosés et je les ai emmenés à New York. On a fait des soirées de fou malade, mais des trucs inimaginables. Et ils me remercient en étant là pour moi. Et t'as dû dépenser beaucoup quand même. Ouais. Honnêtement. La moitié, au moins. Facile. Ah ouais? Attends, avec quoi tu vis? Parce que du coup, après, en un an, t'as dépensé la moitié. Ouais, après, il y a ce que j'ai placé qui me rapporte. D'accord. Voilà, j'ai énormément de choses. Après, voilà, mes parents, maintenant, je les ai mis bien. J'ai mis ma famille bien. Et c'est ce qui me rend le plus heureux, c'est que ma famille soit heureuse et voilà. On peut devenir pote. C'est Kassim, le producteur. Il n'y a pas de souci, Karel. J'invite tout le monde. C'était Kassim qui demandait. Tu vois, lui, il est très intéressé. J'invite tout le monde. T'as une grande sœur? Non. Par contre, pas la famille. Fais attention, Kassim. Il peut embaucher qui il veut pour te défoncer. J'ai pas de sœur. J'ai comme petit frère. Merci beaucoup Ahmed, c'était génial de t'avoir comme ça, tu vois, c'est hyper rare d'avoir un témoignage comme ça d'un gagnant du loto, donc c'est super cool d'avoir appelé, merci de nous écouter. C'est possible de passer une petite dédicace? Bien sûr, tu peux tout faire, vas-y, lâche-toi. Attends, c'est 50 000 euros. Il y a moyen de se faire un peu de pognon, les gars, là. Vas-y Ahmed. Je fais une dédicace à tous mes potes, Anderson, Valentin, Kiki, tout le monde, je les embrasse, c'est mes potes sûrs et c'est ceux qui seront toujours là. Merci Ahmed, merci beaucoup d'avoir témoigné. Merci à vous. Salut Ahmed. Salut. Ciao. Comme quoi sa vie a vraiment changé là pour le coup, et il a été malin, il a placé de l'argent, ça lui rapporte de l'argent tous les mois, il peut continuer de vivre sans bosser, tranquillement. C'est quand même une belle vie, hein, en tout cas. ça en a tout l'air, hein. Quentin est avec nous, 19 ans de Troyes. Alors on va l'accueillir dans un instant. Il est amoureux de la mère d'un pote. Ça c'est un truc de dingue, hein. Carrément, chelou, ça. Littéralement amoureux de la mère d'un pote. Il sait pas s'il doit lui dire ou pas. On va en parler dans un instant. On l'appellera peut-être, même sûrement, son fameux pote. Et puis on aura le chiffre d'Alice ce soir. On parle de quoi, Alice? Il paraît qu'au bout de 10 jours sans dormir, on pourrait en mourir, malheureusement. Donc on s'est posé la question, est-ce que vous êtes du style à faire des nuits blanches? Et si oui, quel est vraiment votre grand record? Et surtout, comment vous vivez ça le lendemain matin, quoi? N'hésitez pas à réagir. 01 42 48 5000. En attendant, c'est Major Lazer et Justin Bieber, Coldwater. Sometimes you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. I will still be patient with you. Lost. Major Lazer, Justin Bieber, Cold Water. Le chiffre d'Alice dans Loving Fun sur Fun Radio. Alors, on l'attendait, le chiffre d'Alice tous les soirs sur Fun Radio. N'oubliez pas d'ailleurs, tout à l'heure, on aura la question de l'internat. Si vous êtes dans un internat, n'hésitez pas à nous appeler, c'est le moment là, 01 42 48 5000. Vous passerez avant 22h pour venir poser votre question. Vous faites les cons sur Fun, vous venez poser une petite question. On parle de l'internat, bien sûr, venez représenter votre bahut là. Hein. 01 42 48 5000. Ce soir, dans ton chiffre, on va parler sommeil. Exactement. Non, enfin, pas sommeil, nuit blanche plutôt. Nuit blanche. Apparemment, au bout de 10 jours sans dormir, on pourrait ne pas survivre. Oui, bien sûr. Il paraît que c'est plus dangereux que de ne pas se nourrir. Et à un moment donné, tu t'écroules. Enfin bon, c'est sûr que tu peux passer des nuits à ne pas dormir. Moi, ça m'est arrivé de nombreuses fois. Et de retravailler le lendemain. Mais à un moment donné, où tu prends la technique des micro-siestes ou des choses comme ça, parce que sinon, tu t'endors. Bah oui. Moi, je dois dire, dans le passé, il m'est arrivé de m'endormir devant des patients. c'est vrai, genre debout et tout? Non, assis, tu peux piquer du nez. Ah ouais, non, mais sérieux. Parce que t'as pas dormi la nuit d'avant, parce que la nuit encore d'avant, t'avais déjà été réveillé, qu'il y a un moment donné où tu peux plus, quoi. C'est pour ça, d'ailleurs, maintenant, les hôpitaux, les internes ont obligatoirement des journées de récupération. Tu ne peux pas travailler après une garde de nuit, parce que c'est pas sérieux. Voilà, donc c'est comme ça, oui, bien sûr, tu peux. En cas de guerre, c'est pareil, il y a des gens qui dorment très peu parce qu'ils font la guerre et que c'est pas facile. Ouais. Et voilà, il est sûr qu'il y a un moment donné où tu t'écroules, tu deviens fou, tu meurs. Le sommeil, en fait, c'est hyper important. C'est essentiel, oui, parce qu'il se passe beaucoup de choses, c'est réparateur. Le sommeil, c'est pas du tout. Enfin, le cerveau fonctionne. Ouais. Mais il se régénère aussi. D'accord, donc l'organisme c'est... aussi. Et donc on meurt parce que le cerveau s'est pas reposé, parce que voilà, on est. L'épuisement corporel peut exister, oui, on peut être épuisé. Alors dites-nous si vous avez déjà fait des nuits blanches, quelle expérience vous en avez eue. On a Sindel qui est avec nous. Elle a 27 ans de Longwy. Bonsoir Sindel. Bonsoir tout le monde. Salut Sindel. T'as passé une bonne nuit? Hier, oui. Mais il t'est arrivé parfois de ne pas dormir. Le plus longtemps que je suis restée sans dormir, c'était 5 jours. Comment 5 jours? T'as fait Koh-Lanta? Pas, mais tu faisais quoi? Tu dormais pas la journée? Tu somnolais pas au moins une heure ou deux? Ah non, du tout. En fait, ce qui se passait, c'est que je bossais la nuit. Mon petit ami à l'époque venait me chercher au travail. Et comme lui ne travaillait pas et que moi j'avais un enfant, donc toute la journée je t'occupais avec lui. Il voulait absolument qu'on passe du temps ensemble. Donc du coup, on rentrait, je pouvais pas dormir, il voulait absolument qu'on parle. Nanana. Le matin, je me levais pour mon enfant. Et puis c'était rebelote toutes les nuits. Et un jour, j'étais en train de parler avec mon meilleur ami. C'était un dimanche matin à 6h. Et je suis tombée là, comme ça, devant lui. 5 jours sans dormir? Oh là là. Ouais. Malade, Sindel. Tu devais être dans un état, le zombie, quoi. Grave. Bah non, parce que je suis tombée à 6h du matin à l'hôpital parce que je me réveillais pas. Et puis, pour finir, en fait, les médecins, ils ont dit que je dormais, que c'était naturel. Et personne ne savait que j'avais pas dormi pendant 5 jours, mis à part mon meilleur ami. On t'a emmené à l'hôpital, quand même. Oui, parce que je me réveillais pas. Ils étaient en train de me secouer et tout. Il n'y a rien qui faisait. Ah ouais. Et en fait, je me suis réveillée à 11h du matin, le même jour, dimanche. Comme si de rien n'était. D'accord. Et là, c'est dingue. Hein. C'est hyper dangereux ce que t'as fait, Sindel. Oui. C'est pas que j'avais le choix. J'avais vraiment pas Est-ce le choix. Est-ce que tu dors peu habituellement? Non, parce qu'en fait, depuis cette expérience-là, je suis devenue migraineuse et du coup, dès que j'ai pas mes 7 heures de sommeil, j'ai des maux de tête à me taper au mur, en fait. Ah, donc t'as encore des séquelles de ça? Ouais. Ouais. Ah ouais, comme quoi, tu vois, c'est pas anodin, hein, vraiment. Hein. Et pourtant, je me bourrais pas à l'alcool, je me bourrais pas au demi au coca. Cocaïne non plus, hein. Ah non, pour tenir le choc, je buvais de l'eau parce qu'on m'a toujours dit que c'était celui que l'eau, c'était super bon pour le corps et du coup, c'était ce qui me faisait tenir, quoi. Et le café aussi. C'est sûr que moi, quand je m'arrive de peu dormir, il faut que je boive beaucoup d'eau, plus d'eau que d'habitude, parce que comme ça, tu tiens mieux. Et puis beaucoup de cocaïne aussi, Doc, hein, bien sûr. Ouais, antidrogue. Je n'ai jamais pris de cocaïne. En plaisante, bien sûr. Sindel, reste avec nous. Il y a peut-être quelqu'un qui a fait pire que toi. Peut-être Kevin. Peut-être. Ça m'étonnerait quand même. 5 jours, ça va être dur à battre. Hein. Bonsoir, Kevin. Salut, Kevin. Salut, équipe. Salut, Kevin. 21 ans d'Agen, toi. T'as déjà passé quelques nuits blanches d'affilée, toi? Ah oui. Ah oui, vas-y, raconte. Oui. Pas 5, 3, mais c'est pas le même fatigue non plus, parce que bon, c'est avec avec l'armée, c'est différent, voilà, déjà. Oui, bien sûr. D'accord, raconte-nous, t'étais en mission? Non, stage, pas en mission. En mission, ça dépend, là, c'est un peu tranquille en ce moment, mais en plein, on va dire qu'en début de théâtre, ceux qui étaient avant, à mon avis, ils ont dû bouffer, mais nous, en stage, on a fait combien? Ouais, bah, 3 nuits d'affilée. Ouais. En fait, la journée, on faisait du combat toute la journée dans les bois, c'est en Guyane. Ouais. Et pas le droit de dormir. Ah non, le soir, on part pour des marches de 30-35 km. Ah putain, mais c'est l'épuisement. Avec combien de sacs dans le dos? Un seul avec le FAMAS, enfin avec l'arme, quoi. D'accord. Et Kevin, t'étais dans quel état au bout de 3 jours? Bah, 3 jours sans se laver, 3 jours sans dormir. Putain, ça devait être un plaisir d'être à tes côtés. Ah bah oui. Le problème, c'est que tout le monde était pareil, du coup. Ah ouais, ouais. Ah non, c'est très fatigant. C'est... Puis on en profite du jour de repos. Du jour de repos. Ouais, alors, bah, tu m'étonnes. T'as dormi pendant 48 heures, quoi. Non, bah 24, mais 48, ça m'aurait fait plaisir. Ah ouais. Mais rien que l'état des pieds, tout. Il y a tout qui joue, là. C'est la fatigue musculaire, mentale, tout. Ah, mais c'est des stages commando, là, ce que vous avez fait. C'est ça. Ouais, c'est d'accord. Ça. Ah, bah, Kevin, ça donne envie de faire l'armée. Hein. Je te le dis tout de suite. Hein. Amaury nous rejoint. Il a 23 ans. Il est de Paris. Salut, Amaury. Bonjour, toute l'équipe. Comment ça va? Ça va bien, Amaury. Tu dors beaucoup, toi? T'es un gros dormeur? Moi, j'étais un gros dormeur jusqu'à un moment et j'ai fait 7 jours non-stop sans dormir. 7 jours? Ouais. Truc de dingue. Tu m'étonnes pas, hein, vraiment 7 jours sans dormir. D'accord. Vraiment sans dormir. Comment c'est possible? Pourquoi t'as fait 7 jours sans dormir? Complètement en déj d'argent, donc je faisais plein d'heures sup chez Carrefour et en même temps je faisais veilleur de nuit dans un parking. Et tu dormais un peu comme veilleur de nuit, non? Non, même pas, franchement, même pas, j'avais pas le droit. Franchement, j'avais pas le droit. Et le 8e jour commençait, je rentre chez moi et puis je me suis endormi au volant et voilà. Tu t'es endormi au volant? T'étais en train de conduire? Ouais. Qu'est-ce que t'as eu? Ça va? J'ai rien eu du tout, c'est la voiture qui était sur le toit, mais franchement, j'avais rien. Ok, bon bah t'as eu de la chance, hein. Tu jouais avec le feu, quoi, 7 jours sans dormir, hein. Putain, t'es un malade, Amaury, sérieux. Bah, c'était juste pour le fric, quoi, j'en avais besoin. Moi déjà, je fais une nuit blanche, tu sais, pour la nuit du 31. Le lendemain, je suis complètement HS. Ouais, c'est vrai, il me faut 10 heures. Bah, vas-y, on fait une nuit blanche tous les deux. Bah écoute, Amaury, avec plaisir. C'était une petite proposition sympa, dis donc. On sera là le 1er janvier. Non, mais c'est pas... Attends, faut pas prendre ça comme une performance. Non. Vraiment, voilà. Non, vous abusez pas. C'est pas une performance. J'avais vraiment pas le choix. Et on peut en mourir. On peut en mourir vraiment. Hein, donc faut faire super gaffe. Notre auditeur du soir, Pierre. Pierre, toi, 13 ans. Est-ce que tu as fait une petite nuit blanche? Bon, en fait, lorsque j'ai fait l'amour à Alice, après, pendant 3 jours, j'ai pas dormi, en fait. Ah. Mais moi, je devais dormir pendant, non? Parce que je m'en souviens pas. Ah, Alice ne s'en souvient pas, Pierre. Pierre, qui rêve qu'il fait l'amour à Alice. Encore un qui fantasme sur les beaux yeux d'Alice. Sérieusement, j'ai jamais fait une nuit blanche, en fait, parce que... T'as bien raison. Dans mon état d'esprit, en fait, j'ai cours le lendemain, donc comme je vous écoute déjà, c'est assez fatigant après, et j'écoute le night show juste après, donc après je suis... Ah, c'est fatigant de vous écouter. Tu t'endors à minuit, ça, c'est fatigant. Je suis d'accord, ouais, c'est fatigant. Voilà. C'est dur la vie. Hein. On lit vos réactions aussi sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup là, Alice. Un message de Jeff qui nous dit « Moi, c'était 5 nuits blanches à cause du taf, et en rentrant, j'ai dormi pendant 36 heures pour m'en remettre. Ah » ouais. Pour Kirz, son record, c'est 72 heures sans dormir. En fait, il les a passées à geeker avec ses potes. Et Lilou, elle dit « Moi, je suis comme toi, Karel, je fais une nuit blanche, et j'ai l'impression que je vais clamser c'est le lendemain. » C'est tellement voilà. Moi. Jérémy nous rejoint aussi. Salut, ouais. Jérémy. Salut, Jérémy. Salut, ça va? Ça va bien. Jérémy, t'as 22 ans, t'es à Nantes, la Loire-Atlantique. Ouais. Alors, on dort beaucoup en Loire-Atlantique ou pas? Ça dépend des joueurs. Ouais, t'as déjà fait une expérience comme ça de pas dormir pendant plusieurs jours? 5 jours. 5 jours aussi, putain. Oh, vous étiez malade. Vous étiez tous ensemble, quoi. C'est ça. Non. Pourquoi? Moi, pourquoi? Ça veut dire, j'ai mal vécu une rupture. En fait, pour me vider la tête, je me suis mis sur la play. Et dès que j'ai arrêté la play, en fait, je savais encore en tête. Donc je reprenais. Et puis, au final, j'ai duré 5 jours comme ça. Ouais. Alors que justement, quand tu dors, tu penses plus. Enfin, ça fait du bien. Mais non, c'est justement, c'est moi, je peux pas m'endormir si j'ai un truc en tête, c'est ça le délire. Ah ouais. Tu sais qu'il y a des histoires comme ça de gamers, parce qu'en plus, t'es, quand tu joues aux jeux vidéo, et qui sont morts. Hein. Il y a un Taïwanais qui est mort après 3 jours de jeux vidéo. Le mec, il joue à Call of Duty, tu vois. Non, à Counter-Strike. Et il t'a fond. Ah, et... moi, c'était Call of. Ouais, le mec, il a lâché, quoi. Au bout de 3 jours, tu m'étonnes à jouer devant un jeu vidéo, ça doit être terrible, quoi. Et Jérémy, merci pour ton témoignage aussi, comme quoi, putain, vous êtes très nombreux à déjà fait plusieurs nuits blanches, comme ça, d'affilée. Ouais. Merci. Merci à Cindy, à Kevin, à Maury. Jérémy, tu reviens quand tu veux, on te fait des gros bisous. Salut mon Jérémy. Salut. Salut. Salut à tous. Et Quentin est avec nous, 19 ans de 3. Salut Quentin. Non, salut. Salut. Tu parlais à qui là, Quentin là? Mon frère. Ah, ton frère, d'accord. Qu'est-ce qu'il te disait, ton frère? Rien, il me disait qu'est-ce que je faisais au téléphone. Je passe à Fun Radio là, tranquille. Tu nous appelles pourquoi, Quentin? En fait, moi, j'aime la merde d'un copain, mais j'arrive pas à aborder le sujet. Sa mère, j'ai compris sa merde. Non, non, non, non, tu veux pas.

42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h, avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler. C'est gratuit, hein. En plus, on vous rappelle, quand vous venez sur l'antenne, n'hésitez pas à nous appeler. On a Quentin qui l'a fait, là. Il a 19 ans de 3. Quentin, c'est une histoire de dingue que tu vas nous raconter. Bienvenue à toi, Quentin. Bonsoir. Salut. Bonsoir, Quentin. Ça va? Ça va et vous? Ça va super. Raconte-nous un petit peu cette histoire avec la maman, là. Tout ça, on veut tout savoir. Mais en fait, il y a à peu près 5-6 mois de ça, j'ai commencé à parler avec la mère d'un ami. Mmh. Et au fur et à mesure du temps, ben, on a commencé à éprouver des sentiments l'un envers l'autre. Okay. Et en fait, j'ai peur qu'un jour, mon ami s'en rende compte. J'ai peur d'aborder le sujet avec lui. Je sais pas comment lui expliquer, en fait. Oui. Elle a quel âge, la maman, déjà? 35 ans. 35 ans. Et ton pote, il a quel âge? 20 ans? 20 ans, ouais. Elle l'a eu à 14 ans. Enfin, 15 ans, elle l'a eu à 15 ans, elle est tombée enceinte, ouais, vers 14 ans, puis elle l'a eu à 15 ans. Elle l'a eu très, très jeune. Déjà, il y a quand même cet élément-là qui est quand même extrêmement rare, qui fait que cette femme est encore très jeune. Ouais, bah oui, c'est ça, elle a 35 ans, ça. Et qu'effectivement, elle a 15 ans de différence avec son groupe. Donc, déjà, c'est pas habituel, parce qu'en général, maintenant, les premières grossesses étant à l'âge de 30 ans, en tout cas, pour ceux qui ont maintenant ton âge, entre 25 et 30, donc forcément, les mamans, à 20 ans, au moins 45 ou 50 ans, ce qui change la donne. Mais tu as déjà fait des trucs avec elle? Bah oui. Ah tu ouais. Couches avec elle? Bah ouais, ça fait 2-3 mois qu'on commence. Alors, j'ai qu'une question à te poser. C'est une histoire d'amour ou pas? Bah oui, il y a vraiment des sentiments. C'est pas vraiment que pour... Une histoire d'amour, ça se respecte. Alors après, c'est l'art et la manière de l'annoncer. Il faut que ce soit une histoire sérieuse. Si c'est une histoire sérieuse, c'est une histoire sérieuse, quoi. C'est tout. Ça arrive, hein. C'est sérieux, parce qu'en fait, elle est divorcée, puis... Bah écoute, si t'es amoureux de cette femme et que t'as envie de vivre avec elle et que tu l'aimes, où est le problème? Bah vivre avec elle, ouais, mais il y a Florent qui vit encore avec elle. Voilà, ce sera ton pote. Ouais, mais bon. Ah bah l'amour, c'est l'amour. Bah, je pense qu'il faut pas se déclarer trop tôt, faut être sûr de vous, parce que si, voilà. Mais comment tu gères avec ton pote, puisque tu le vois aussi, ton copain? Bah mais moi et sa mère, on se voit que quand lui, il est chez son père, en fait, parce que... D'accord. Des fois, oui. Ce soir, t'as envie de briser le tabou et tu voulais appeler ton pote pour lui annoncer. Voilà. Ah bah vas-y, appelle. Ah bah on y va, on va appeler ton pote Florent. Qui est donc le fils de... Je vais dire bonjour pour papa. Oui, putain, c'est dingue. De copain. Allô? Allô? Allô? Oui? Salut Florent. Oui? Salut Florent, salut, je me présente, je m'appelle Michel, et je te passe Quentin là, tout de suite là, ton pote. Oui. Quentin? Oui. Bon, faut peut-être parler à Florent là. Ah oui, Florent? Oui. C'est Quentin? Oui, c'est Sia. Je t'appelle parce qu'en fait, je voulais te parler d'un truc sérieux. Oui. C'est par rapport à moi et ta mère, en fait, ça fait à peu près 5 mois qu'on, je pense, parle. De quoi? Il y a à peu près 5 mois, tu sais, quand il y avait une soirée chez toi. Oui, bah. Mais moi et ta mère, on s'était parlé tout ça. Et puis, depuis le temps, ben, on s'est rapprochés, et puis, en fait, on est en couple. Pardon? Du coup, je sais pas comment te l'aborder. Non, mais c'est qui, là? C'est Quentin. Tu peux être un tabou, quoi. Mais non. Pourquoi tu dis ça, toi? Mais parce que bah, moi et ta mère, on s'aime. Puis je savais pas comment te le dire, j'avais... Mais voilà, c'est pour ça, tu t'énerves, c'est ça. J'ai pas fait pour... Non, mais t'énerves pas. Mais ferme ta gueule, tu fais pas ça, toi. T'énerves pas. Bah non, mais tu vois, t'imagines, je fais ça à ta mère. Mais moi, ma mère, elle est mariée, c'est différent, elle est avec mon père. Mais je m'en fous. Tu fais pas ça, tu t'arrêtes ça tout de suite. Ben non, on a des sentiments. Non, non, mais c'est mort, non. Après, je voulais pas perdre notre amitié. Non, bah c'est mort, non, mais tu quittes ça tout de suite, t'arrêtes ça tout de suite. Oh, je suis désolé, mais je peux pas. Ah non, mais ta gueule, non, ferme ta gueule, tu quittes ça tout de suite. C'est bon, reste tranquille. Moi, non, non, je m'énerve, ouais. Bah non, mais c'est ma mère. Mais alors? Et alors, elle a 35 ans. Ouais, ben alors, moi, j'en ai 19. Ah, t'as 20 ans, j'imagine. Non, mais t'es fou, toi. Non, mais non, c'est mort. Bon, ça y est, il comprend. Mais c'est pareil. Deux fois, ça y est. Bah non. Pourquoi tu t'énerves comme ça, là? Bah, go, c'est ma mère. Ah oui, ça peut se comprendre. Bonsoir Florent. Ça, bonsoir. Je suis la personne que tu as eue au début de la conversation. Michel. Je m'appelle pas Michel. Je m'appelle Karel. Et tu es en direct sur Fun Radio. Voilà, Florent. Dans toute la France ce soir. Je t'explique. Je t'explique. Bah, c'est Florent. Ma mère. Oui. Mais on a compris, on a, compris que c'était ta maman. Mais c'est pas ta femme non plus. Non, c'est vrai. Alors, bah, Quentin nous a appelé en fait dans l'émission ce soir pour nous annoncer voilà qu'il était amoureux de ta maman. Ça faisait maintenant quelques mois qu'il partageait des sentiments avec ta maman et il était un petit peu gêné forcément de te l'annoncer. C'est vrai qu'elle t'a eu quand même très très jeune et elle est aussi très très jeune et voilà, l'amour ça s'explique pas et je peux comprendre hein, Florent, que tu réagisses comme ça mais Non mais c'est mon meilleur pote, il y a pas à me faire ça. Hein. Mais il te fait pas ça, c'est pas. Je comprends bien ta réaction. En même temps, ta mère t'appartient pas. Ta mère a une vie, et je pense qu'elle est aussi responsable. Si elle est amoureuse de ton copain, c'est une histoire d'amour. Tout est acceptable. Ce serait une coucherie ou un truc comme ça, je te comprendrais volontiers. Si vraiment ils partagent des sentiments, oui, des différences d'âge, ça existe. Ah non, c'est mort. Non, mais je comprends que tu sois pas d'accord. Mais il est majeur, elle est majeure, ta mère. Ouais. Ça aura du mal à aller contre. Ouais. Hein. Ils ont 15 ans d'écart. Non. Le prochain repas de famille, ça va être la merde, hein, je vous le dis. Écoute, entre les mecs et les filles, ça existe extrêmement couramment. Ça va exister de plus en plus entre les filles et les mecs. Et c'est une histoire d'amour. Tu peux comprendre au moins, je comprends le choc que ça te fait, mais tu peux comprendre au moins que c'est une histoire d'amour ou pas? Non, c'est beaucoup. Non, tu comprends pas. Il comprendra pas ce soir. Non, mais après, il y a aussi le premier effet, voilà, il vient de l'apprendre. Bon, là, il est sur le cul. Peut-être que ça ira mieux demain. Moi, je pense que tu devrais en parler à ta mère maintenant. Bah ouais, ça c'est sûr. Non mais de toute façon, il va y avoir à mon avis une rencontre tous les trois quoi. Faut qu'on en parle. Déjà, lui avec sa mère. Lui, je le vois mal. OK. Comment ouais, faut vous parliez tous les deux. Ouais. Et bon voilà, mais en adulte, pas en voilà, d'accord. C'est ça. Non, et Florent, c'est normal de réagir comme ça, mais voilà, l'amour, comme on dit, c'est plus fort que tout. L'amour a frappé à la porte de ta mère. Pas avec ma mère, mon meilleur pote et ma mère, c'est pas possible. Alors, ce qu'on va faire, donc là c'est le premier effet, tu vois Quentin, il y a du travail encore à faire au niveau de Florent, et je pense aussi que ta maman a un rôle aussi à jouer par rapport à... Il faut qu'elle s'explique avec toi. Florent, il faut que vous expliquiez tous les trois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des nouvelles demain de toi Quentin, pour savoir comment ça se passe justement. Juste, je voulais te dire Florent, t'es pas le directeur de conscience de ta mère, d'accord? Ouais, mais bon, quand même. Non, mais ouais, je te le dis. Ouais. Ok, donc, ça se comprend, franchement. Moi, non, mais je comprends sa réaction, mais tout de même, voilà, c'est pas lui qui a décidé. C'est chaud, quoi. C'est un pote et tout, il tape ta mère, quoi. Tu vois, c'est. Bon, Florent et Quentin, on prend des nouvelles demain. On vous tient au courant, bien sûr. Hein, soyez là dès demain. On prend des petites nouvelles de Quentin. On a Alex, 17 ans de Béziers. Salut, Alex. C'est la question de l'internat dans un instant. Tu es là, Alex? Et oui, dans un instant, on sera en direct de l'internat. Restez bien avec nous à Béziers. Juste avant, on va s'écouter Sean Frank. Et la question de l'internat, juste avant, Let You Get Away sur Fun Radio. Every time you fuck up, I will find an excuse to forgive you. And every time that you're good, I forget all the hurt and redeem you. And I don't know what I've been chasing. Caught feelings, now I gotta face them. Put up with my message unread. You're probably with your friends or some shit. Then you come and crawl into bed. Even harsh, you're gone before the sun's even up, and I let you. I let you get away. Let you get away. Let you get away. Sean Frank sur Fun Radio. Love You Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Direction l'internat Le Lep à Bédarieux ce soir avec Alex, 17 ans, du côté de Béziers. Ouais! C'est la question de l'internat. Alex, tu nous entends? Ouais. Mais quelle ambiance à l'internat ce soir? Ouais, on dort pas nous. On dort pas. Ce soir, on dort pas, on fait les fous. Ça va, Alex? Ça va, et vous? Vous êtes combien là dans l'internat là? Bon, on est au moins 25 là. 25 dans l'internat, putain. Et les gars, vous avez une question ce soir? Ouais. C'est quoi la question? Est-ce que les mecs circoncis ont une petite bite? Est-ce que... Non, la même taille. Mais la réponse, c'est la même chose. Non. Le prépuce n'allonge pas la taille de la verge. Pourquoi il y a beaucoup de circoncis dans l'équipe là? Ouais, il y en a pas mal, tous, à peu près tous. Tous circoncis. Non, par contre, il paraît que quand on est circoncis, c'est mieux pour l'hygiène. Oui, enfin, non, c'est les travaux qui ont été faits. Il y en a qui puent de la bite à l'internat ou pas? Ouais, un peu, ouais. Ah, ouais. Il a été prouvé que les. On pue de la bite! Que les mecs circoncis transmettaient moins de maladies, dont le sida. Voilà, ça, c'était effectivement une hypothèse assez intéressante qui a été quasiment prouvée. D'accord. Et au niveau du fromage sur la teub aussi, il paraît que oui, c'est mieux. À l'air en permanence. Bah voilà, c'est ça. Elle respire. Donc les gars, à l'internat, vous avez tous la kikette à l'air. Ouais, ouais. Tu leur dis n'importe quoi, ils font ouais. Les gars, distribution de capotes à l'internat Le Lep à Bédarieux. Est-ce que vous avez un petit message à passer, une petite dédicace là à faire, les gars? Les gars, on a une question par contre. C'est quoi la question? Est-ce que vous êtes circoncis, les gars? Kassim, oui. Oui, Kassim est circoncis. Perso, non. Et j'ai une grosse teub. Et il a la plus grosse de la radio. Vous voulez voir? Ah, il a la plus grosse de la radio? Ouais. Parce qu'elle est à l'internet, il a des talents, là. Eh ben, vous allez comparer avec Kassim. On vous envoie distribution de capotes du côté de l'internat. Et je remercie Pierre, notre auditeur du soir, 13 ans de Nancy, qui a passé la soirée avec nous. Pierre, est-ce que toi aussi, tu veux passer un petit message, une petite dédicace? Profite. Profite, mon pote. Ah ouais, grave, j'aimerais bien faire une dédicace à Stan, à Ruben, à Amélie, à Louis P, à vous. Je vous aime beaucoup. Et puis à l'équipe de Mario Anso. Et elles arrivent. Et au Bahut Saint-Léon 9. Eh ben, bonjour Pierre, merci d'être passé ici. Et on se donne rendez-vous dès demain sur Fun Radio. Oui. On sera là mercredi soir, 20h, 22h, Love Comme in Fun. Et 22h minuit tous les soirs c'est après les filles, Love in elles Fun. Sont là. C'est Marion Anso, c'est le Night Show. Bonsoir salut les filles. Salut. Salut les copains. Ça va être une émission de dingue ce soir. Vous avez de l'invité, une beauté, Kinvé qui vient. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer avec Kinvé? On veut un petit teasing, on veut savoir. Alors, sache que certains membres de cette équipe vont s'afficher et vont devoir peut-être chanter devant lui. Chanter devant Kinvé? C'est possible. Ok. Moi, tu sais, nous, on s'en fout, là. Tout ce qui est amour propre, tout ça, on l'a perdu. Hein. Je sais. Et toi, la première, Anso? Oui, effectivement. Merci, Karel. Ah, mais j'ai vu quelques vidéos, quand même. Bah, merci beaucoup, en tout cas, de me mettre en avant, comme ça. Merde, j'ai fait une gaffe. Non, pas de soucis. Elles sont magnifiques et elles sont belles. Merci. Elles sont au rendez-vous tous les soirs de 22h à minuit. Voici le Night Show. Merci, bonne soirée. Bisous. Salut, bonne soirée. C'était le Night Show. Marion et Anso. Sur Fun Radio, ce soir c'est le Night Show de Mario et Anso. Ladies and gentlemen, salut, c'est Kinvé. Je déclare le Night Show de Marion et Anso ouvert. Le Night Show. Night Show. Sur Fun Radio. Le Night Show en mode Kinvé ce soir. Bienvenue tout le monde. Hey. 22h02, c'est Marion et Anso. On est bien contentes là de vous retrouver. On espère évidemment que vous avez passé un bon mardi. Alors nous, on s'est éclatés. Mais de ouf. Je vous le dis, aujourd'hui, on a tourné de la vidéo pour vous. Franchement, ça va arriver là sur le Facebook de l'émission. Archigolerie, même s'il y a eu des tensions, du coup, vous comprendrez plus tard. On a préparé l'émission avec Kinvé ce soir, on lui réserve évidemment des surprises. On a fait plein de trucs. Et évidemment, celle qui m'accompagne ce soir, elle est belle et elle est plus en forme que jamais. C'est Anso, bonsoir. Bonsoir, je veux un accueil de folie. Excusez-moi déjà d'avoir pris cette voix. Je sais pas pourquoi j'ai pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je sais pas, j'avais envie. Bon, bonsoir à tous. Va pleine forme, je suis au taquet là. Depuis quelques jours, je suis complètement épanouie. Mais tu sais que tu es radieuse. Aujourd'hui, Anso, elle a mis un petit dos nu. Un haut extrêmement sexy où on voit complètement son dos. Ah, moi, je dis oui, j'achète. Ah, bah écoute, c'est vraiment clairement la partie de mon corps la plus sexy, mon dos. Oh non. Je voulais non. vous la montrer. T'es magnifique, t'as complètement minci, t'es radieuse, je t'aime beaucoup. T'es belle. Merci, Marion. Elle est belle, agréable. Et je ne veux pas te pécho. Hein. Je le dis comme ça, de manière désintéressée. Et bien visiblement, tu n'es pas la seule. Voilà. Mais éventuellement, j'attendais un retour de bâton. Mais évidemment, mais toi en plus, tu sens bon, t'as la laine fraîche. Merci. Que je te bon, en tout cas, ce soir, vous l'avez compris, c'est Kinvé qui sera notre invité. On lui a préparé donc plein de surprises de malade. Ça va être canon. Je vous le dis, de toute façon, c'est toujours un kiff de recevoir Kinvé. Bah, de ouf. Et puis, restez là parce qu'il va nous faire un live de celle qu'il te faut. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la. Et puis ce soir dans le Night Show, on va aussi parler des trucs un peu dégueux qu'on fait parfois, comme ça, dans le quotidien. On a un auditeur qui nous a envoyé un mail hier et qui nous a fait la confession de faire quelque chose vraiment horrible, hein, pour le coup. Vous allez le découvrir tout à l'heure. En tout cas, si vous voulez participer à l'émission, posez des questions à Kinvé. Un seul numéro, il est totalement gratuit, 01 42 48 5000. Pour le son, on va aussi s'écouter le tout nouveau Ritza. J'aime beaucoup. Je te suivrai jusqu'au bout du monde à Porto Rico. Et c'est nous qui vous l'avons fait découvrir là sur la radio. Ouais. Porto Rico, bonsoir Amir. Bonsoir Marion, bonsoir Anso, bienvenue dans ce show magnifique. Comment il va? Il va bien, passez ouais. Une belle journée. Bah ouais, il est mignon lui aussi, il a mis sa petite chemise, ouais. sexy, pas mal. Vous croyez pas qu'il y ait Kenzo du standard, on fait des efforts. Ouais. Alors, j'ai remarqué qu'Enzo du Standard avait pris un peu en masse musculaire. Je parlais juste des vêtements. Hein. voilà, c'est ce que j'allais dire. Par contre, niveau vêtements, c'est pas ça. Et toi, c'est l'inverse. Niveau vêtements, c'est bien. Par contre, la masse musculaire, on n'y est pas. Bah, c'est bien, vous complétez comme voilà. ça. Voilà. Ok. Enzo, t'es comme un frère pour moi. Moi aussi. T'es comme un père plutôt. Ah. Ouais, elle est fille. Il y a des radins dans l'équipe ou pas? Bon, non. Bah, moi, globalement, en fin de mois, je suis un peu radine parce que je suis fauchée. Mais Enzo, il est radin. Ouais. J'ai une application pour vous. C'est quoi? C'est une application qui s'appelle What's Call. Et en fait, ça vous permet d'appeler partout dans le monde entier, je dis bien partout dans le monde entier, sur le téléphone fixe ou mobile, sans que l'autre personne ait besoin de télécharger l'application. Mais bah, c'est gratuit donc. Et c'est gratuit. Ah mais c'est un peu comme le système de WhatsApp, il faut être en Wi-Fi quoi. Non, parce que WhatsApp, faut être en Wi-Fi et en plus il faut que la personne à qui tu parles ait WhatsApp aussi. Ah oui, ouais. Là, tu peux toi la télécharger et appeler ta mère qui est par exemple vit au Pérou sur son mobile ou sur son fixe et gratuitement. Eh ben écoute, j'envoie directement Betty au Pérou. Là mais attends, t'es sûr sans Wi-Fi, sans rien ça marche? Sans rien, ça passe par ta 3G donc ça passe par Internet mais en tout cas. Ah d'accord. Et comment ça s'appelle? What's Call. C'est comme WhatsApp mais c'est What's Call. Voilà. Eh ben merci beaucoup et si vous voulez nous parler à nous #LeNightShow, Amir est connecté ce soir. Si vous avez des questions pour Kinvé, mais timide, que vous n'avez pas envie de passer à l'antenne, #LeNightShow, allez-y. Bonsoir Thibaut à l'arrière. Coucou les filles. Ça va Bichou? Ouais, ça va, j'ai remarqué un truc de fou aujourd'hui. Allez, vas-y. Si tu prends toutes les lettres de Marion et Anso, donc M-A-R-I-O-N et A-2-N-E-S-O, ça fait Thibaut, je t'aime. D'accord, ça marche. Pas du tout Thibaut, mais c'est gentil, c'est bien essayé. Ok. Enzo, on l'a salué déjà, ça va toi? Salut, super, ça va aujourd'hui. Bonne journée, j'ai pas arrêté de snapper avec Yannick. Oui. D'ailleurs, le snap c'est Mario et Enzo, venez nous rejoindre, on fait des petits trucs sympas. Ouais. Mais en fait, les gars, en fait, le snap s'appelle plus Mario et Enzo, mais Enzo et Yannick en fait. Ouais. Quel genre de racoleur qui fait la promo de son snap sur le compte de l'émission? Bah, grave, en fait, les gars, donnez-nous la main à un moment donné, en fait. S'il vous plaît, quoi. Ajoutez-nous. Bon, justement, Yannick, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous présenter, s'il te plaît, le ou la première auditrice de ce soir? Eh ben, c'est une et c'est Emmanuelle, elle est prof de français, elle voulait nous parler des excuses bidons de retard. Ah, j'adore! Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Salut. Bonsoir Marion. Bonsoir Anto. Ça va? Ça va bien. Alors dis-nous, qu'est-ce que ça se passe là? Comment ça se passe? Déjà, tu es à quel genre de classe? Quel niveau? Alors, moi j'ai des collégiens. J'ai des 6e à la 3e. Voilà, un petit collège. Nord de Paris, je vais pas trop en dire plus. D'accord. Et je voulais vous raconter deux, trois trucs parce que voilà, ils me font marrer avec leurs excuses bidons de retard. Tu sais, t'as des petits mots de retard dans les carnets de correspondance que tu fais valider quand t'es un petit peu à la bourre le matin. Et parfois, c'est vraiment marrant parce qu'ils ont des excuses qui peuvent être marrantes. Et alors, ce matin, il y a une nana qui est arrivée, par exemple, et l'excuse, c'était lissage de cheveux. Oh, j'adore. Elle est bonne. En même temps, Emmanuel, je sais pas si t'as les cheveux longs, mais ça prend un temps fou, cette histoire. Hein. Bah oui. Bon, est-ce que c'est un motif de retard que tu mets sur ton bulletin, quoi? T'en as un autre ou pas? Ouais. Il y a eu un mec qui avait mis match de foot de la veille. Non, ils sont culottés, c'est énorme. Et il avait raconté qu'en fait, il s'était couché super tard parce qu'il avait voulu voir la fin du match. Et que du coup, il s'était levé à la bourre et c'était pour ça qu'il était en retard. Mais c'est important, le foot. Bah oui, mais en même temps, on n'a pas idée. Il faut faire des matchs de foot à 16h, puis comme ça, on n'en parle plus. Mais voilà. Ah, ouais, alors. C'est ça, exactement. Et puis, dans le même genre, j'ai eu le vernis n'avait pas eu le temps de sécher. D'accord. La nana qu'elle voulait pas avoir tout à recommencer et tout. Et que, du coup, elle avait attendu à la maison sa sèche et elle était partie un petit peu en retard pour pas avoir à se. C'est mignon. Dans le sac et tout. Ouais. Non, c'est bah, rigolo. Et tu dois bien te marrer. En tout cas, t'as l'air d'être une prof archi cool. Ça va. T'es prof de quoi, Emmanuel? Français. Bon. Ouais. Eh ben écoute, merci. Si t'as d'autres anecdotes comme ça à nous raconter sur les élèves, on adore des petites perles. Là, tu nous rappelles. Hein. Fais un livre aussi, c'est bien. Pour les fautes d'orthographe, je vous enverrai aussi. Ah bah on va te donner Enzo sur les réseaux sociaux. Ça marche, ouais. Grave. Grave, cours particulier pour Enzo. On te le passe tout de suite, Emmanuel. On t'embrasse. Ça marche, merci. Bisous, ma belle. Bah, franchement, pratique. Enzo va prendre des cours, ça va être cool, quoi. Ouais, il serait temps. Bon, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. Nous allons parler du goût, parce que la semaine du goût a démarré hier. Oui. Et on voulait parler de ça avec vous. Venez nous dire le pire truc, le plus horrible que vous ayez mangé dans votre vie. Voilà. Nous, on en a. 01 42 48 5000. On se retrouve juste après The Chainsmoker sur Fun Radio. Ça donne envie de faire des câlins. Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car in 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar in. Sheets right off the corner of the mattress that you stole from your.